Merci beaucoup à cette belle chanson de Marius Mboka, Muyaya Mbembe. Et je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle chanson qui ouvre notre matinée, pour ceux qui sont avec moi aux États-Unis. En effet, il est 10h. Il est 10h15, heure de l'Amérique du Nord. Et c'est New York, c'est DC, Washington DC, c'est l'État de l'Ohio, à la ville de Dayton, là où je suis. Ça, ce sont nos heures d'ici. Et au niveau du Gabon, il est 15h15. 15h15 à Mayonami, dans l'Ogooué maritime. 15h15 à Minzik. 15h15 à Mekambo. 15h15 à Biwenye, dans la zone de l'Ambaréné, là où je passais ma jeunesse. Soyez tous bénis, que Tetamwanga Dibangabanga vous bénisse et vous remplisse de plein de bénédictions et surtout d'attention sur ce dont moi je vais pouvoir parler. Et comme vous le savez, rien n'est tabou ici. Le titre va être long à la finalité. Quand je vais rentrer dans le studio, ce titre-là va être très long, car aujourd'hui, comme la tradition l'exige, je vais dire d'abord bonjour, bonsoir à tous et soyez bénis, comme je l'ai dit, car je ne peux pas commencer ceci sans vous bénir. Et quand je parle de moi vous bénir, ce n'est pas moi. Ce sont mes génies, ce sont mes entités, c'était à moi, Kadibangabanga, c'est lui qui vous bénit. Je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis qu'un pauvre ignorant. Un ignorant qui reçoit des informations et qui vient préparer, qui vient parfois sans préparation. Et ce fut le cas de ce sujet. Je ne suis pas vraiment trop préparé car je suis habitué à cela. Les avions mystiques, les faux follets. Nous avons grandi au village. On a vu toujours des lumières fiou, fiou, qui vont à gauche, à droite. On dit, ah, ça, ce sont les sorciers. Ce sont les gens qui sont en vampire. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est vrai que les faux follets que nous voyons, les lumières de feu que nous voyons traverser les toits de nos maisons dans les villages, et même dans la ville Libreville, quand vous habitez la zone d'Ayama à Libreville, quand vous habitez dans le département, pour ne pas dire dans la belle petite ville d'Entoum, que j'ai été encore visiter cette nuit, et quand vous allez visiter Kango, au bord de cette belle rivière de la zone de Kango, et la nuit, vous êtes assis et vous voyez parfois, même pas assis. Pour les gens comme nous autres qui aimons méditer à des heures tardives, eh bien, vous vous retrouvez là, en train d'admirer la nature, et voilà des faux follets. Fiou, fiou! Et on dit, oh, Tizamo, voilà un sorcier qui est sorti. Agnambi, oh, Mutu di Kundwa, Amagwen. Et après, on dira les 9 routes d'Ndende. Alors, on dira le fusil nocturne. Et on dira l'avion mystique a dévoré. L'avion mystique vient de démarrer. C'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Comme vous le savez, rien n'est tabou. Ce n'est pas seulement au Gabon qu'on observe ces phénomènes. J'ai été, je vous dis, dans plus de 50 pays à travers le monde. Au Burkina Faso, on voit les mêmes phénomènes. Au Mali, on voit les mêmes phénomènes. À San Pedro, Côte d'Ivoire, on voit les mêmes phénomènes. Et surtout à Yopougon, les mêmes phénomènes. Même à Abidjan, dans les banlieues, au quartier des plateaux là, d'Abidjan, hein? Là où les grands, grands, grands maçons y vivent, les mêmes phénomènes s'observent. Alors, quelle réponse avons-nous à cela? Est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est vraiment de la sorcellerie? Est-ce que c'est vraiment du mysticisme? Je vais vous donner le point de vue d'un initié des mystères. C'est pour cela que vous êtes tous branchés ici. Comme je l'ai toujours dit, chaque jour, vous avez l'avantage d'avoir un initié des grands mystères qui a un pied dans la science et un pied dans la spiritualité. Et je vous ai toujours dit, même les questions que vous me pouvez poser là parfois dans les forums là, je vous ai dit attention, évitez d'être superstitieux. I can see two of my best friends here. Unfortunately, I gotta go and say some in English for you guys. Unfortunately, like I said, I might 80% of the time speak only in French because the majority of people watching in this channel, the French speaking folks, but the topic of the day is mainly on do we really have mystical planes? You see, American Airlines companies, you got Delta, the one I use, I like to travel with Delta. You have AA, AAA, Eagle, planes and all that, different ones, Airbus 380 and Airbus 385, and those are human being made. That's the mankind made. But in the other dimensions, do we have invisible planes? That's what we're going to find out today, okay? So the mysteries of all that, and there is nothing taboo. That's the same word in French as well as in English. Means nothing mystical, nothing necessarily. Are we going to believe like being suspicious or something? Existe-t-il des avions mystiques? Existe-t-il des avions invisibles? Les faux follets que nous voyons la nuit, qui volent, est-ce que ce sont les sorciers qui sortent? Ça, c'est le premier aspect. Et vous avez vu qu'il y a un deuxième aspect que j'ai mis science, mais je n'ai pas pu finir parce que sur l'écran de l'appareil que j'utilise, ça ne peut pas. Donc, c'est à la fin de la sortie de la vidéo, vous verrez. Science de la guérison. Aujourd'hui, je vous parlerai des trois plantes, de leurs vertus et des planètes qui les influencent. Nous parlerons. Ils ont typiquement le même rôle. Hein. Elles ont typiquement le même rôle. Nous parlerons de l'ail, du gingembre et du piment. Car ces trois-là, on les trouve chez nous en Afrique. On trouve le piment, l'ail et le gingembre au Gabon, au Mali, au Cameroun, au Congo, au Burkina Faso, en Sierra Leone, en Somalie, en Ouganda, au Kenya, tout ça, Érythrée, on trouve cela. Donc, vous pouvez faire votre propre magie. Vous pouvez vous guérir avec ces trois éléments-là. Mais vous les consommez tous les jours. Mais avez-vous pensé une seule fois que ça peut vous servir dans certaines pratiques magiques? Est-ce que vous savez quelles sont les planètes, en fait, qui influencent ces trois éléments-là que je viens de citer? Est-ce que vous savez la planète qui influence le gingembre, le piment et l'ail? Et quel est l'impact? Mais quelle est la talismanie pratique? Quelle est la technologie mystico-spirituelle que vous pouvez utiliser chez vous? Ça, ce sera le deuxième aspect. Allons-y directement répondre à la première question qui m'a été posé par un Nigérien. Un Nigérien qui a vécu longtemps au Gabon, mais qui pense que les Gabonais sont superstitieux. Il est pasteur. Il dit non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas possible. On ne peut pas voir des avions dans le monde invisible. Ça a commencé comment? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut te brancher et abonne-toi. Il parle couramment français, donc il est en train de nous suivre en ce moment, depuis le quartier Akébé 2, à Libreville. Nous allons d'abord parler réellement si les avions invisibles existent. Bien, on ne répond pas directement à une question sans d'abord rentrer dans certaines informations. Alors, pendant que je cherchais, j'ai trouvé certaines informations. À l'époque romaine, à l'époque même grecque, il existait une société qu'on appelait Arès. Arès, c'est quoi? Nous allons le découvrir. Vous parlant justement des avions invisibles, c'est-à-dire des avions qu'on ne peut pas voir. Et ensuite, nous parlerons des avions mystiques et que nous entendons souvent des Gabonais, des Camerounais, des Congolais dire que non, ils ont voyagé mystiquement. Bien. Nous allons donc découvrir de quoi il est question sur cette affaire des avions mystiques ou invisibles. D'accord? Nous allons le découvrir. Et comment ça? Information. Bon, moi, j'ai essayé de faire des recherches avant de vous parler de ce que moi je sais, personnellement. Eh bien, ici aux États-Unis, pour votre information, ici aux États-Unis, il existe bel et bien des avions invisibles. Et les États-Unis d'Amérique est le premier pays au monde qui a réussi à fabriquer des avions invisibles. Vous allez me dire, mais mon Dieu, ça sort d'où? Eh bien, ici, ils appellent ça « mystical planes ». Mystical planes, c'est-à-dire avions mystiques. Hein? Vous pouvez vérifier ça dans un journal ou secret qu'on appelle le top word. Top word. Vous rentrez dans topword.ru. FR.topword.ru. C'est un site secret purement militaire. Bien. Voici ce que, Dieu merci, c'est en français. La presse américaine parle de Mystical Flights of Planes aux USA. Ils ont parlé de nouveaux tests d'un avion composite, Sanoveris. Et je vais vous expliquer RS, ça vient d'où? C'est depuis la Grèce. Il y a de cela près de 4000 ans. D'accord? Donc la presse américaine a publié des articles qui parlent des vols d'essai au niveau de l'aviation américaine et qu'ils ont tenu à ce que ce soit secret. Et ces essais sont appelés vols mystiques et invisibles. Pourquoi? Mais parce que le matériel qu'ils utilisent, même les gens ont tenté de prendre des photos pendant que ces avions faisaient des essais. Il n'y en a que deux en ce moment. Deux que les Américains ont réussi à fabriquer. Eh bien, ils se sont référés à une compagnie à l'époque gréco-romaine et surtout à l'époque de la Grèce. Ils avaient une compagnie qu'on appelle Arès. Et c'est ainsi qu'Arès, je vais vous dire qui ils sont. Ils ont donc, les Américains ont appelé cet avion-là le Son of Arès. Son of Arès. Et c'est dans leur livre de Top World Secret, projet numéro 401. Donc, de nombreux tests ont été effectués, comme indiqué, et le tout dernier qui a été effectué date du 13 juin 2022. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc mis cet avion qu'on appelle le San Ares en même temps et aux mêmes heures, à la même seconde. Ils ont également mis les chasseurs F-15 en plein vol. Et le résultat, selon le photographe, il n'a pu voir uniquement que les chasseurs F-15. Par contre, le Son of Arès devenait invisible sur l'écran, à peine détectable. Ainsi donc, les États-Unis d'Amérique déclarent être disponibles d'avoir la disponibilité éventuelle de ces deux variants-là, de ces deux avions qu'ils ont appelé le Son of Arès avec immatriculation N401XP, pardonnez-moi là, c'est en anglais, N401XP, et il y a un twin qu'ils ont modifié en donnant N401XD. Et je vous informe que pendant que je suis en train de lire ces informations, ils ont modifié parce que vous n'avez pas le droit de divulguer leurs secrets. Selon donc certains rapports, et certaines discrétions, l'une des directions des tests était de vérifier effectivement que cet avion, le Son of Arès, pourrait éventuellement devenir invisible complètement. Et des informations ont apparu, des modifications ont été faites par rapport aux modifications de l'an 2019 de la prise de l'air. Le photographe qui a même pris les photos nous fait comprendre que pour lui, il était difficile autant pour moi, de pouvoir capter les images de cet avion invisible. Mais comment l'avion devient invisible? Je vous l'expliquais, il n'y a rien de mystique. Mais c'est quand même important parce que c'est le premier pas avant de parler de l'avion mystique. Au cours donc des tests, il a été signalé que les deux fils d'Arès étaient impliqués mutuellement, ce qui a permis de tirer sur les modes de vol de l'autre. Les vols ont été effectués à peu près à la même hauteur avec les chasseurs F-15. Et une fois de plus, il a été confirmé et signalé que même les radars ne pouvaient pas détecter ces avions. Et là, plutôt dans certains médias, certaines caractéristiques du fils d'Arès, le Son of Arès, ont été annoncées. Voici leur capacité. C'est des avions d'environ 1 800 kg seulement, d'envergure, 11 mètres, hauteur maximale au-dessus de la Terre, 9 km. Drôle de coïncidence, parce que même nous, dans nos villages, lorsqu'on voit les faux follets là, souvent ce n'est pas loin. C'est à quelques, voire même 1 km seulement de la Terre. Et son poids varie jusqu'à 1,8 tonnes. Cet avion pourrait éventuellement apparaître soit avec pilote ou sans pilote. Et ces avions, donc, c'est l'inspiration de la grande compagnie Arès qui existait et dont on en parle dans la mythologie grecque antique. Et dans ces mythes-là, on nous parlait plutôt des avions mystiques, car les Grecs, Arès, c'était le dieu qui leur permettait de fabriquer des avions mystiques, invisibles. Ces avions pourraient aller dans l'espace, personne ne pouvait les apercevoir. Maintenant, les Américains, eux, ils ont réussi. Là, c'est une information cruciale, espérant que YouTube ne va pas venir me créer des problèmes. Savez-vous que en 1947, que je donne la bonne information, s'il vous plaît, je dis pas de bêtises. Je vais revérifier l'information, pardonnez-moi. Au Nouveau-Mexique, voilà. Au Nouveau-Mexique, Roosevelt, de 1947, vous êtes au courant, il y a eu un incident grave. Un avion à bord duquel il y avait 4 passagers, mais qui étaient presque... Il y avait 2 pilotes et 2 autres, c'était des ingénieurs. Ils venaient d'une planète qui était à plus de 15 000 ans de la distance de la Terre. Et c'est de là où le phénomène des hommes verts avait commencé, le phénomène des extraterrestres avait commencé. Extraterrestres veut dire des êtres qui habitent hors de la Terre. Alors, en 1973, ça c'est le top secret ici aux États-Unis. En 1973, il y a eu des réunions. Le président de l'époque, je crois c'est Nixon, qui a demandé à rencontrer les responsables du site Roosevelt, qui était devenu une propriété militaire cachée. Jusqu'à l'heure dont je vous parle, en 2022, personne ne met pied là-bas. Car dès 1989, ils ont dit que l'affaire de Roosevelt, là, des extraterrestres, des êtres humains qui avaient à peine 4 mètres de taille maximum, avec des grosses têtes, on les a bien vus, ils étaient vivants, 2 étaient vivants, les 2 autres sont morts, et il y a un qui a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans, et ils l'ont vu, on l'a présenté, et l'un avait été observé lorsque M. Obama était présenté, mais lui, il venait de leur planète, et il paraît que le vol a pris 3 jours seulement pour arriver sur la planète Terre. 3 jours, ça c'est dans la mesure humaine, mais dans la réalité, si vous prenez un avion humain normal, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Ça fait plus de 15 000 ans la distance pour arriver à leur planète. Ce n'est pas de la fiction, vous pouvez vérifier dans les documents intitulés « Que se passa-t-il en 1947-1948 dans la zone de Roosevelt au Nouveau-Mexique ?» Vous verrez les photos de l'avion en question. Donc, des études ont été menées par le gouvernement américain d'étudier la matière de cet avion-là. Et c'est cette matière qu'ils ont exploitée et qu'ils ont étudiée, tout comme les Russes. Alors, je vous parle, ils ont un centre de rencontre, quelque part, où ils se rencontrent avec ces extraterrestres-là. Ce n'est pas de n'importe quoi que je vous raconte. Ici, aux États-Unis, je ne veux pas que YouTube vienne me créer des problèmes. Il y a un État, mais je ne vais pas vous le dire lequel, souterrain, à près de 3-4 étages sous terre, où il y a un lieu de rencontre entre ces mecs-là, des extraterrestres, c'est-à-dire des gens qui viennent d'autres planètes. Il y a des gens qui ont été formés parce qu'eux, ils n'utilisent pas le verbe pour parler. Pour preuve, pour plus d'informations, veuillez lire les documents sur la Roosevelt. Les interviews ont été données. Il y a des vieilles photographies qui ont été prises. À cette époque, en 1947-48, les conversations entre... c'était compliqué parce qu'eux, ils ne parlent pas notre langue. Et c'est ainsi qu'ils ont amené donc des mecs qui sont forts en sciences psychiques, c'est-à-dire les gars qui sont capables de communiquer par la pensée. Parce que ces êtres-là, d'autres planètes, eux, on les appelle extraterrestres parce qu'ils vivent hors de la planète Terre. Alors, eux, il fallait communiquer par la pensée. C'est ainsi que l'interprète, celui qui parlait avec ces entités-là, expliquait que Les terriens que nous sommes très méchants, ceci, cela, bref, et que si vous voulez la haute technologie de nos engins, il va falloir que nous signions des accords, pas de violence, et ainsi de suite. Bref, je m'étais, il y a eu donc certains accords, et c'est dans un État quelque part, ici aux États-Unis, où les rencontres sont faites tous les jours, et il n'y a que des officiels qui ont accès à ce lieu précis et secret, où des informations ont été données, et c'est à partir de là qu'ils ont réussi donc à fabriquer cet avion Arès, fils d'Arès. Lequel avion n'a rien d'un avion normal. Vous avez suivi les dimensions. C'est tout petit, d'accord? Et ça ne vole qu'à 9 km de la planète Terre, mais personne ne peut voir. Aucun radar ne peut détecter cet avion-là. C'est parce que c'est fabriqué à base d'une matière dont seuls les services d'armée américaine connaissent le secret. Et les services secrets, et moi je ne peux pas en parler. Pardonnez-moi, je ne peux pas continuer sur ce sujet. Je viens de recevoir un coup de gueule. Bref, là, comme je viens de vous témoigner, hein, de Tap War Journal, on vous a dit que ces avions-là existent. Donc, en Grèce, disais-je, dans l'antique Grèce, là-bas, dans l'Antiquité, l'avion, comment dire, la compagnie qui fabriquait ces avions invisibles, on l'appelait Arès. Voilà pourquoi les Américains, comme ils sont très informés, ils ont toute la doc du monde entier, ils ont réussi donc à fabriquer cet avion et appeler cet avion-là Son of Arès, fils d'Arès. Okay? Là, c'est un avion qui est invisible. Il peut avoir un pilote à bord, un pilote humain, il peut monter dedans, tout comme ils n'ont pas besoin de pilote. C'est-à-dire qu'ils envoient cet avion dans des missions compliquées. Maintenant, ça coûte très cher à cause de cette matière qu'ils reçoivent de l'autre monde. Mais les maîtres invisibles m'ont dit de ne plus insister sur ça. Pardonnez-moi. Veuillez me pardonner. Donc, moi, j'ai vu un peu la matière en question. C'est à la fois, on dirait humanoïde ou une matière bizarre qui change et qui varie. C'est-à-dire que quand il fait jour, eh bien, ça devient noir. Vous ne voyez pas. Donc, ça devient sombre. Et quand il fait nuit, un moment, ça apparaît. C'est comme un avion fantôme. Voilà, c'est comme un avion fantôme. Mais c'est la matière, là. Cette matière, ils l'ont eue auprès des frères qui viennent de l'autre planète, mais qui ont eu un accident de Roswell. Ils venaient à une vitesse telle que l'avion s'est écroulé ici aux États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis. En Chine également, ils sont là-bas. En Russie également, ils ont réussi à rencontrer certains d'entre eux parce qu'il y avait. Dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale, donc, ils ont commencé à apparaître auprès des grandes puissances mondiales parce que les guerres qu'il y avait depuis 1914, la Première Guerre mondiale, ça a perturbé la paix et ça a attiré leur attention. C'est pour cette raison qu'ils sont partis de leur planète pour venir ici essayer de sensibiliser les humains que nous sommes. Mais malheureusement, leur forme physique, morphologique, elle est un peu différente des nôtres. C'est à cause de la densité de planète là où ils vivent. Il y a eu donc plusieurs visites. Et je crois qu'il y a dans un enseignement, je vous parle que moi j'en ai vu personnellement au niveau du lac Azingo, ces engins qui sortaient des eaux. Parce que dans le lac Azingo, il y a un endroit qu'on appelle Adérélié. Demandez cela aux hommes politiques du Gabon, ils savent de quoi je parle. Adérélié. Il est interdit qu'un avion traverse cette zone parce que ça a un tourbillon, ça a un pouvoir tel que ça absorbe même les avions, les bateaux. Souvent, quand on partait au lac Azingo, dès que vous quittez l'embaréné, il y a une zone qu'on appelle la Dégélié. Cette zone-là est interdite. Dans la zone de Mekambo également, il y a une zone comme ça. C'est une zone de turbulence, mais c'est une porte d'entrée dans leur monde et une porte sortie aussi de leur monde. En fait, c'est comme cela, de par mes déductions, conclusions, réflexions, que j'ai fini par comprendre que c'est donc de là que ces engins-là sortaient à certaines heures pour se balader dans la zone du lac Azingo et aller dans d'autres plans. Donc, nous ne sommes pas les seuls qui habitons cette planète, ou du moins qui habitons cet univers, ou qui habitons cette galaxie. Parce que notre galaxie, à nous, composée de 12 planètes, il y a des milliers de galaxies, il y a des milliers d'univers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'astronomie. Vérifiez cela. Donc, conséquence, à l'époque de la Grèce, ils avaient bel et bien des avions invisibles, qui étaient conduits par des gens invisibles, qu'on ne pouvait pas voir. Et ces avions, la compagnie qui fabriquait ça s'appelait Arès. Je crois qu'en France, ils ont tenté de créer une compagnie comme ça. Vérifiez la doc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Arès, c'est la compagnie qui fabriquait les meilleurs avions du monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, les avions que les gens fabriquent, on peut voir. Et ils avaient, seuls eux, détenaient le grand secret de l'invisibilité de l'avion. Ça, c'est le premier point très important. Il a fallu que j'apporte. C'était dommage que les maîtres invisibles m'ont étouffé. Ils m'ont dit, niet, je ne dois pas rentrer dans plus de détails. Je ne sais pas si c'est pour ma sécurité. Je devais vous donner beaucoup plus de détails sur cette affaire-là, mais c'est dommage. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, nous qui sommes Africains, qui sommes taxés de superstitieux, quand nous voyons les faux follets, les avions qui volent, hein, les lumières qui volent en pleine nuit, parce qu'on ne voit pas ça le jour. D'accord? Il s'agit donc de l'avion mystique. Est-ce que l'avion mystique existe? Eh bien, mon ami nigérian qui me suit depuis AKB2, eh bien, comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui invente. Allez-y vérifier dans le topwar.ru, précédé par fr, fr.topwar.ur, et vous allez vérifier, vous aurez toutes les informations que je suis en train de balancer. Plus en détail, on va vous expliquer comment les Américains ont réussi à fabriquer cet avion invisible. Et quand on dit invisible, vous avez bien suivi le développement. Ils ont dit eux-mêmes dans leur journal que cet avion peut avoir un pilote ou ne pas avoir un pilote. C'est un avion qui va être classifié comme un avion considéré dans la catégorie des chasseurs, mais pas les chasseurs F-15. Les chasseurs F-15, comme vous le savez, ce sont des avions de guerre désignés pour aller détruire et déposer des armes dangereuses et aller détruire d'autres pays. Mais ces mêmes avions invisibles qu'on appelle les Son of Ares ou Fils d'Arès, ces avions ont pour objectif non seulement d'aller espionner l'ennemi et de revenir. Alors que nos amis russes se rassurent que, je ne sais pas si j'aurai des problèmes en parlant de ceci, mais puisque c'est accessible, j'ai eu accès à leur site internet, donc ça veut dire, ils m'ont demandé, est-ce que ils m'ont demandé l'autorisation. J'ai dit oui, je vais rentrer pour avoir accès à ce site-là. Rassurez-vous, vous aurez des complications pour rentrer dans ce site qui est complètement top secret de certaines informations en rapport avec les guerres et tout, et tout, et tout. Bref, les Russes, vous le savez, ils ont créé Satan 2. D'accord? Tout le monde est au courant de ça. L'image circule partout. Et que en 14 minutes, ils peuvent venir ici aux États-Unis, précisément à New York, pour détruire New York et déposer ce qu'il y a à déposer. Mais ils ne savent pas la surprise. Rassurez-vous et retenez ceci, que les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Et ils ne font pas trop de bruit. Alors, l'information des San Juarez que je vous donne, rien ne me dit, parce que là, ça date de 2019. Qu'ils ont fait des essais sur ça, qu'ils ont créé seulement deux. Tout comme ils créent les avions qui voyagent avec le président, deux. Vous ne savez pas dans lequel le président se trouve. C'est des secrets stratégiques. Et ça, c'est l'image de ce qui s'est passé à l'époque grecque. D'accord? Sous leur pouvoir. Il fallait toujours distraire l'adversaire. Donc, si la Russie a Satan 2, l'Amérique n'a pas encore fait de révélations sur les armes qu'eux, ils ont. Et je répète que l'Amérique, jusqu'à ce jour, reste toujours le pays numéro un en termes de force militaire. Ils mettent beaucoup plus de milliers de milliards de dollars en investissant dans la défense de la nation. Pourquoi? Parce qu'ils ont un adversaire, c'est la Russie. D'accord? Donc, la Russie également a ce genre d'avion-là. Ils ont également cette technologie qu'ils ont reçue des frères d'Orion. D'accord? Orion, c'est le nom de la planète. D'où vient, c'est une étoile en fait, qui est considérée comme étoile, mais c'est une planète qui est habitée par près de 3 millions d'habitants. Et ces 3 millions d'habitants, ce sont nos frères, mais ce sont des frères qui n'ont pas nos tailles. C'est des êtres réels. On les a montrés dans les cinémas, couleur verte, des yeux bizarres, grosse tête. Oui, ils existent bel et bien, puisque en 1947-48, dans la zone de Roosevelt, Nouveau-Mexique, c'est là-bas où ils ont fait l'accident avec leur avion. Ce sont eux donc qui amènent toute cette technologie-là auprès de les grandes puissances mondiales. Ils ont réussi à les capter parce que pour communiquer avec eux, justement, il faut communiquer par l'esprit. Voilà pourquoi j'encourage les gens ici de pouvoir développer les pouvoirs de communication interne, c'est-à-dire la communication par visualisation, de beaucoup développer la visualisation, la concentration, la méditation, la création et la bilocation consciente. D'accord? Question sur l'avion mystique, est-ce que ça existe? Oui, les avions mystiques existent bel et bien. Mais sauf que ces avions, on ne peut pas le voir. Voilà le côté de la superstition qu'il faut enlever de vos têtes. Quand vous voyez un faux follet, fiou, fiou, qui vole, ne paniquez pas. C'est faux, ce n'est pas un sorcier. Pourquoi? Mais je vais vous donner les preuves scientifiques. Lorsque les anges, ce qu'on appelle les anges, ce qu'on appelle les démons, et pourtant ils sont autour de nous, Mais est-ce que vous les voyez? Ouais. Quand vous vous mettez à prier, Jésus, vous vous mettez à prier, Saint-Antoine de Padoue ou bien l'ange Gabriel, celui qui vous dira que l'ange Gabriel va apparaître là, sauf le cas de Monsieur Moussa, comment il s'appelait, Mohamed, dont l'ange, l'archange aurait apparu à lui, mais ça c'est des cas exceptionnels. De nos jours, quand nous pratiquons la Kabbale, nous les voyons, mais pas sous la forme réelle physique. Mais nous sentons, quand je dis nous, moi je le fais. Je sens des vibrations. La zone dans laquelle je l'invoque ou je l'appelle, eh bien, ça se refroidit. C'est très froid. Ça, c'est la présence des anges. Par contre, les démons, c'est la chaleur. L'endroit où vous allez invoquer, appeler un démon, il fera très chaud. Parce qu'ils ont tellement des énergies trop fortes. Et cela ne veut pas dire que leurs énergies sont plus fortes que celles des anges. Non. Le démon et l'ange, si vous voulez, dans le langage religieux, en d'autres termes, le bon génie, celui qui a toutes les grandes vertus et qui a bénéficié de la grande sagesse et des grandes connaissances de Teta Mwanga, comparé à celui qui est devenu démon de par sa rébellion. Mais c'est comme vous avez deux enfants dans la maison, un enfant qui décide de choisir à faire le mal et l'autre qui décide d'être intègre dans les principes, mais vous verrez que les deux n'ont pas le même pouvoir. Vous comprenez? Les deux n'ont pas le même pouvoir. Bref, quand ces entités donc apparaissent, eh bien, généralement, ils ne se manifestent pas physiquement, mais il y a plutôt des signes. Jusqu'alors, je vous parle, hier encore, leur présence, je l'ai ressentie pendant que j'appelais un d'urgence dans mon véhicule. Le véhicule a eu un froid, mon Dieu, terrible, alors que hier, il faisait chaud. Un froid très terrible. Donc, j'avais un problème d'urgence. Et quand il s'est manifesté, le froid a tapé ma voiture, j'avais même peur, il y avait un bruit. Mais j'ai gardé mon calme et puis mon corps a pris un coup de glaçon. C'est comme si j'étais devenu congelé. Et c'est de là où je commençais à m'exprimer. Et quand j'ai fini de parler, j'ai utilisé le symbole, paf, j'ai retrouvé ma vie normale. Là, ils le font comme ça parce qu'ils ne veulent pas créer de scandale. Alors, le point que je veux ressortir ici, il n'y a aucune différence entre vous qui sortez en vampire, enfin, y compris moi. Lorsque nous biloquons, lorsque nous sortons en vampire, ou bien faire la sortie astrale, personne ne peut voir. Parce que n'oubliez pas que vous êtes une partie de Dieu. C'est-à-dire que votre esprit qui est en vous, on ne peut pas le voir quand il sort. Parce qu'il est invisible. Ce qui fait que quand vous biloquez la nuit et que l'esprit voyage dans l'espace et le temps, il n'y a pas de flash comme quoi voilà le faux follet. Celui qui vous dit ça, demandez-lui de venir me confronter. C'est du mensonge, je ne dirais pas mensonge, mais plutôt de la superstition qui s'est développée au fil d'années, au fil du temps. Parce que dans nos villages, c'est très fréquent. Moi, je grandis au village. On voit le faux yo, voilà le sorcier qui passe. Quel sorcier? Je vais vous expliquer cela. Il y a beaucoup d'insectes qui volent la nuit. Il y a également nos frères que je vous ai parlé, là, dont je vous parle, d'autres dimensions. C'est souvent la nuit qu'on peut mieux voir comment leurs engins voyagent dans l'espace et le temps. Mais comme c'est des engins qui sont à des vitesses de plus de 1 500 000 km par heure, imaginez-vous, 1 500 000, même le Satan 2, vous avez vu combien la vitesse? Il lui faut 6 minutes pour arriver à Paris pour détruire toute la France. Il lui faut 14 minutes pour arriver aux États-Unis. La Chine, c'est une affaire seulement de 5,5 minutes. Alors, ça, c'est les humains. Ce sont les Russes qui ont fabriqué ça, avec l'aide des frères, peut-être d'autres planètes. Mais, les engins qu'utilisent nos frères-là qui viennent d'autres planètes, où il faut faire entre 15 et 25 000 ans pour arriver chez eux. Mais nous, déjà, l'âge maximal qu'on peut vivre, l'homme le plus vieux en ce moment, c'est 175 ans, qu'on trouve du côté de l'Afghanistan là-bas. D'accord? On n'arrive même pas à 1 000 ans. Ça commençait comment? Ouais, sauf si on arrive à l'éternité. Mais les avions de ce mec, plutôt la planète, ou du moins l'endroit où se trouvent ces frères-là, hein, de courte taille, qu'on avait découvert au Nouveau-Mexique, ici aux États-Unis, et même qu'on voit ailleurs, que moi-même j'ai vu dans certaines apparitions, et même du côté de Mouila au Gabon, demander les gens, ils apparaissaient, ces avions-là descendaient et disparaissaient. Quand on dit disparaître, ça dit que ça va tellement à une vitesse où vous n'entendez même pas le son. Voyez-vous? Il n'y a pas de bruit. On appelle ça, voilà pourquoi les aviations civiles aujourd'hui sur Terre ont créé des terminologies telles que supersonique, avion supersonique. Vous vous en souvenez, le premier avion que les Français avaient fabriqué, qui prenait moins de temps de Libreville jusqu'à Paris, un avion qui va comme si, et dès qu'il descend, j'ai oublié comment on appelait ces avions-là. Ça avait un truc bizarre, long à la machine. Il n'en fabrique plus, je ne sais plus. C'était l'avion le plus rapide du monde. Donc, demandez le fabricant, la personne qui a fabriqué cet avion, et pourquoi on l'a enlevé? Ça, c'est encore secret d'État. Je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, l'avion mystique, c'est la même chose que lorsque vous sortez en vampire, nul ne peut prétendre voir votre esprit. Un ange, on ne le voit pas. Et pourtant, il peuple le monde invisible. Vous êtes là, vous vous concentrez. Et même vos ancêtres, vous êtes là, vous pensez à votre père, et puis le père vous souffle la voix à l'oreille. Est-ce que vous l'avez vu? Non, on ne peut pas le voir. C'est un esprit que vous communiez. Donc, l'avion mystique existe bel et bien dans le monde invisible. Il faut faire partie de certains groupes, il faut faire partie de certaines sociétés secrètes, de certaines confréries où ils fabriquent cela. Ils ont même des voitures mystiques. On a même des vélos mystiques. Je vous ai dit la dernière fois, par exemple, pour aller récupérer le chapeau noir, le fameux chapeau noir, pour aller le récupérer au cimetière. Eh bien, je vous avais dit quoi? Que lorsque vous rentrez là-bas, lorsque vous faites le code de mort, lorsque vous connaissez le mouvement obligatoire du retour vers la Terre, donc qui est le mot de passe d'entrée, eh bien, physiquement, vous êtes là. Mais une fois que vous avez fait la formulation, vous disparaîtrez, on ne vous verra plus, et vous allez vous retrouver conscient dans le monde du royaume des morts. Les morts ne sont pas morts. Et vous verrez là-bas, il y a la ville, il y a les voitures, les hôpitaux. Vous êtes même surpris, mais je suis où là? Oui, il existe ce qu'on appelle des mondes parallèles. Donc, ces mondes parallèles-là, il y a des avions, mais qui sont des avions mystiques. Alors, seuls les sorciers des villages, et je parle des sorciers négatifs, qui utilisent beaucoup ce moyen-là pour aller pouvoir rentrer et faire certaines expériences. Hein. Et là même, j'ai entendu des rumeurs quand j'étais au Gabon, des gens qui disaient qu'il faut le carburant. Ce n'est pas faux, j'ai mené mes enquêtes. Oui, ils ont besoin du carburant, mais malheureusement, en Afrique, ils utilisent beaucoup plus le carburant humain, c'est-à-dire ils prennent du sang, ce qui explique les morts bizarres. On viendra vous tuer mystiquement. C'est pour cela que j'avais sorti le rituel intitulé Comment encercler un sorcier? Parce que souvent, ils viennent, ils espionnent dans tous les quartiers de Libreville ou de Douala, ils espionnent les mecs qui sont vraiment sans protection, qui sont vulnérables, pour pouvoir avoir le carburant. Et c'est là qu'ils viennent tirer le carburant auprès de vous. Mais le carburant qu'on utilise pour les avions mystiques, c'est souvent des carburants qui sont basés sur vos énergies, c'est-à-dire sur votre esprit. Vous n'allez pas mourir, mais vous êtes un mort-vivant, en fait. C'est cela. C'est comme cela. Donc, c'est vous qui leur servez de carburateur. Et c'est ainsi que, dans la vie réelle, matérielle, vous serez quelqu'un toujours victime des malchances, victime des problèmes, victime des fatigues inexplicables. Parce que vous êtes, si vous voulez, le moyen ou bien le carburateur. Voilà, c'est vous qui servez de carburant à ces avions mystiques-là qui existent bel et bien dans le monde de reflets. Donc, retenez bien que dans le monde tridimensionnel, il y a le reflet de ce que nous avons dans le monde matériel. Quand vous rentrez dans le royaume des morts, en faisant des rites, par exemple, de la nécromancie, qui consiste à provoquer les morts, ben vous allez vous retrouver consciemment dans leur mort, dans leur monde là-bas. Vous les verrez vis-à-vis, habillés, le bruit des voitures. Et pourtant, dans l'état réel, lorsque vous regardez le cimetière comme ça, eux que, oh, vraiment pitié pour vous, vous êtes morts. Non, vous vous trompez. Il y a un monde de reflets derrière cela. D'accord? Le royaume des morts existe bel et bien. Lorsque vous aurez pratiqué régulièrement, au bout de 6 mois, voire un an, la sortie astrale contrôlée, et les bienfaits que vous aurez, c'est d'aller visiter ce genre de milieu. Mais je vous déconseille de ne pas aller visiter les milieux du royaume des morts si vous n'avez pas réussi à maîtriser ce qu'on appelle les assez initiatiques. Ces assez initiatiques veulent dire quoi? Il faut respecter certaines règles, c'est-à-dire il faut avoir un esprit fort, il ne faut plus mentir, il ne faut pas être esclave du sexe, il faut observer les lois du silence, il faut beaucoup faire des rites de convocation des grandes entités, des archanges et tous ces mecs-là. Il faut donc développer votre esprit pour que votre esprit dégage une aura très forte. Parce que ceux qui sont dans le royaume de mort, parmi eux, il y a également des gens qui étaient des grands sorciers et qui peuvent vous faire du mal. Ce qui explique pourquoi vous verrez que quand vous participez dans ce voyage avec l'avion mystique, eh bien, lorsque vous voyagez avec les frères et vous voulez être passager dans cet avion mystique en vue d'explorer d'autres dimensions, eh bien, souvent, il arrive que certains ne reviennent plus. Et quand ils ne reviennent plus, ça veut dire que les autres ont été plus forts que vous. Vous vous êtes engueulé là-bas, vous n'êtes pas labré. Et le lendemain, on vous trouve, vous êtes mort. Et c'est ainsi que votre âme est restée là-bas. Parce que l'âme, en réalité, c'est ça le véritable vous. Ce sujet-là, je l'ai déjà traité dans près de 7 vidéos, je puis tout approfondir sur ce. Pour vous dire en conclusion, notre frère, que je ne vais pas citer le nom, au niveau d'AKB2, la question que vous m'avez posée est une question vraiment très sensible. Mais évitons la superstition. Je vous donne raison en tant que pasteur que, en réalité, dans le monde des communs des mortels, il n'existe pas un avion, comment dirais-je, au sens littéraire. Mais retenez que vous êtes pasteur, vous parlez avec Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Vous vous adressez à Jésus, vous ne le voyez pas, sauf dans certaines visions. Mais c'est la vision. Mais quand vous faites des visions et quand vous rêvez, ce n'est pas dans le plan matériel que vous pouvez voir. Il en est de même de tout ce qui concourt dans le monde de reflets. Les avions, ça existe dans l'autre monde. Les voitures, ça existe dans l'autre monde. Les cabris, les chiens, ça existe dans l'autre monde. C'est le monde du reflet. Ça, il faut le retenir. Il ne faut pas qu'on soit superstitieux. Maintenant, le côté superstitieux qu'il faut enlever, les lumières que vous voyez, comme je l'ai dit au début, ça n'a rien à voir. Les faux follets, tout. Non, ça n'a rien à voir avec l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit de quelqu'un qui sort un vampire. C'est impossible. Voilà. Maintenant, j'ai déjà expliqué le cas des gens qui sont tombés par accident. Il y a plusieurs enseignements dans ma chaîne, ma page YouTube là-bas, le guide inconnu, également sur ma chaîne YouTube. Je vous ai toujours parlé, je vous ai expliqué que c'est des accidents qui arrivent. Ça s'appelle une bilocation. Mais il y a des heures qu'il faut éviter de biloquer. Ça, c'est le monde de la bilocation par téléportation. C'est-à-dire que quand vous êtes sorti en vampire et que vous êtes rendu, moi, de temps en temps, je vais au Gabon. Là, hier, j'étais en Toum. Mais il faudrait, parce que je maîtrise le temps, il faut savoir. Et puis, même si je reviens le jour, j'ai une certaine maîtrise et j'ai atteint un certain niveau que même en plein jour, je peux me dédoubler. Mais il y a certains sorciers tellement qui font le mal, lorsqu'ils vont dans certaines zones, il y a ce qu'on appelle le choc en retour. Et souvent, le choc en retour, ils veulent abuser de ce temps-là. Quand ils ont dépassé 5h, 6h du matin, puisque leur esprit ne vibre pas sur de hautes fréquences, eh bien, vous êtes surpris, vous verrez le type finalement sur le toit de la maison ou bien qui est là dans la rivière. Mais vous faites quoi là? Oh non, je suis fatigué, je venais de... Mais tu viens d'où? Donc ça, ce n'est pas de la superstition. C'est tout simplement une téléportation. Je voulais toujours répéter que pendant que vous me suivez ici, je suis aux États-Unis, au même moment, je peux être à Minsk. Selon ma volonté, bien sûr. C'est-à-dire que je me téléporte. Téléporter, c'est la capacité pour toute personne qui maîtrise la sortie astrale. Parce qu'il y en a trois formes, souvenez-vous, l'enseignement est ici. Maintenant, cette forme de téléportation, elle est souvent maîtrisée par la plupart des occultistes. Par exemple, quand nous faisons des conférences mystiques en Inde, nous faisons des conférences au Brésil, il y a des conférences que nous faisons de manière mystique à cause du Covid, alors on se retrouve. Mais comment ça se passe? Mais on fait la téléportation. Je suis là, assis au bureau, très calme et distrait. Je demande le silence, mais je ne suis pas là. Je suis ailleurs. Mais pendant que je suis ailleurs, les autres me voient. On est en téléconférence. Je vous ai fait le témoignage de quelqu'un qui m'avait vu à Mouila. Mais monsieur, on oubliait à l'époque l'histoire des politiques. Mais vous faites quoi ici, mon Dieu? Oh, les gens là ne vous ont pas créé des ennuis. Je dis, vous parlez de quoi? Et puis, voilà. Et le lendemain, cette personne, je crois, 3 ou 4 jours, je constatais des appels manquants. Me dit, mais je vous ai vu ici. Vous faisiez quoi, monsieur Noubier? Vous êtes où exactement? Mais comment vous venez? Vous ne nous dites pas. J'ai dit non, c'est vrai, j'étais. Donc, vous pouvez, vous seul, être à la fois à Libreville, à Malabo, à Paris, et être aux États-Unis. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ça se développe. C'est de la téléportation. Vous vous téléportez. Téléporter veut dire l'esprit emporte une partie de vous ailleurs avec matérialisation immédiate. C'est des phénomènes. Ça existe. D'accord? Donc, pour conclure sur cette affaire d'avion invisible, oui, ça existe bel et bien. Les sociétés américaines en fabriquent. Les Russes également sont en train de se préparer. Et surtout les avions supersoniques. À l'époque, la France était l'un des premiers. Voilà, les avions qui s'appelaient à l'époque gérés par Air France. Mon Dieu. Mais comment l'avion supersonique, là, qui était l'avion le plus rapide du monde? C'est les Français qui fabriquaient ça. Vous allez le découvrir dans les journaux. Cherchez. Donc, l'avion qui atteint une vitesse au-delà de 1000 km par heure, mais ça peut devenir supersonique, ou de 2000 km. Les nouveaux Airbus, moi, la dernière fois, j'assistais, j'ai demandé des questions au pilote. Le pilote m'a dit non, regardez sur le tableau de bord. Vous savez, quand on voyage dans les grands avions, là, il y a le tableau qui est là. Je vais vous poser des questions. À quelle vitesse on est? À quelle distance la Terre? On a une distance de près de 30, de 90 ou bien de 200 km, la planète Terre, en altitude. Et on est à combien? On est, je crois, l'un des avions. L'avion là était à 985 km par heure. Imaginez-vous. Mais il y a des avions qui vont au-delà de ça. Maintenant, des avions qui vont à 10 000 km par heure. Par exemple, le Satan 2. Vérifiez. Donc, les avions supersoniques, tels que le Son of Ares que les Américains ont fabriqué, c'est des avions qui vont au-delà de près de 3 à 4 000 km par heure. C'est trop rapide. C'est pour cela qu'ils sont en train de réfléchir. Soit ils vont mettre des humains, des pilotes humains qui vont recevoir des formations dans l'espace, des formations très poussées, ou bien sans pilote. Sans pilote, mais programmé depuis le Texas, qui est le grand centre de contrôle de tous les avions américains à travers la planète. Parce que c'est là-bas où ça se trouve. On recrute tous ces jeunes qui maîtrisent l'outil informatique. Pardonnez, le sujet était trop long. Maintenant, nous allons passer au deuxième aspect. C'est les bénéfices toujours des plantes dans votre vie. Sur ce sujet très délicat, parlant des avions mystiques, je le répète que votre esprit est invisible, personne ne peut le voir. Donc, les faux follets qu'on parle, c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà la Concorde. Merci beaucoup. Oh, voilà quelqu'un a trouvé le nom. L'avion là s'appelait la Concorde. C'était l'avion le plus rapide du monde. Est-ce que vous le saviez? J'ai connu ça dans les années 70 jusqu'en 75. Je ne sais pas pourquoi ils ont éliminé l'avion là. La Concorde. On avait un parent là qui était ambassadeur ici aux États-Unis. Que Dieu ait son âme. Le papa là. Lui, quand il prenait cet avion là, il nous dit, dès que ça monte là, vous, en altitude, dès que ça descend, vous êtes déjà à Paris. Ouais, c'est la Concorde, merci beaucoup. Bien, je vais vous parler donc du gingembre, du piment et de l'ail. Ces trois plantes-là jouent un rôle très important dans la vie de l'homme, dans la vie de tous les jours. Non seulement ça améliore nos aliments, mais ça sert également à la prévention de certaines maladies. Et tout comme l'huile de palme, ces trois plantes-là sont toutes contrôlées par les esprits de la planète Mars. Donc, la planète qui contrôle ces plantes-là, c'est Mars. Et quand vous allez chercher dans les documents grecs et de l'Égypte antique, mais justement, on nous dit, ce sont les dieux qui ont amené ces plantes-là depuis la planète Mars, c'est-à-dire la planète rouge. Et comme vous le savez, la couleur rouge, c'est la couleur de la puissance, c'est la couleur de la sensualité, c'est la couleur de la destruction, la couleur rouge. Voilà pourquoi quand vous partez draguer une femme, quand vous allez vous habiller en rouge, ou bien si la femme met un crayon de beauté rouge à lèvres, elle met le rouge à lèvres, c'est l'expression qui est restée, l'homme va être carboigné, même si la femme est vraiment vilaine. L'ail est dominé par l'élément feu. C'est normal. Vous savez que l'ail n'a pas un goût agréable. Vous savez que l'ail, il est utilisé également dans les protections. La dernière fois, je vous ai donné une technique et quelqu'un m'a posé la question. Justement, je profite de répondre à cette question. Est-ce que le talisman que nous avons fabriqué dans une maison et on a mis devant et derrière, si nous déménageons, on fait comment? Est-ce qu'il faut refaire un autre? La réponse est non. Vous enlevez ce talisman-là que vous avez fabriqué, vous faites un cérémonial simplement en disant « Là où je bouge, tu bouges. Là où je bouge, vous bougez. » C'est tout. Et vous allez installer dans la nouvelle maison. Maintenant, comment faire pour m'installer dans la prochaine maison? Vous allez vous assurer que le premier élément ou bien le premier bagage que vous devez déplacer, aller dans la nouvelle maison, vous avez déjà payé le machin, tout. Vous avez payé les loyers, tout. On vous a remis les clés. C'est votre talisman de protection. Donc, c'est le détail très important. Lorsque vous déménagez de la maison où vous avez fait votre premier fétiche, et que vous voulez déplacer ce fétiche, ne jamais déplacer le fétiche en dernier. Il faut d'abord déplacer les esprits avant, mais tout en vous assurant que vous avez les clés de la nouvelle propriété. Donc, je disais que l'ail, tout comme les autres, l'ail sert à l'alimentation, même ceux qui ont des problèmes de poids, ça vous aide à vous dégraisser. Ça a des bénéfices sanitaires très importants. Mais sa planète, c'est la planète Mars. Ça veut dire que lorsque vous faites un talisman avec l'ail, rassurez-vous que Les entités que vous allez convoquer pour travailler sur là et là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour le cas de la protection, il faut vous rassurer que vous faites vos rites en appel. Pourquoi? Parce que les rites en appel, la plupart, c'est des rites qui sont adressés aux anges et aux génies de l'élément feu. Donc, le feu, disais-je, c'est cela, parce que l'ail, ça sert à la protection, ça sert à la santé et ça donne également, lorsque vous avez une maison hantée, vous le savez très bien, l'ail va vous aider à dégager toutes les énergies nocives. Lorsque vous avez des problèmes de santé, vous mangez ça le matin, vous prenez ça en forme de poudre, ça va dégager toutes les maladies qui vous emmerdent. D'accord? Également pour ceux qui sont dans les sports de combat, que ce soit la boxe, que ce soit les arts martiaux. Je ne vous cache pas, je l'utilisais quand je tenais les arts martiaux. Et même quand vous êtes militaire, s'il y a des militaires qui me suivent, faites l'expérience, d'accord? Avant d'aller au combat, avant d'aller au sport, avant de faire quoi que ce soit, vous mangez souvent, mettez de l'ail dans votre sauce, dans votre aliment, dans votre pain. C'est vrai que c'est, je le répète, le vrai vrai, hein? C'est très délicat, c'est trop fort. Mais pourquoi? Parce que ça donne la force, ça vous permet de combattre sur un champ de bataille. Souvent, les militaires romains, les militaires grecs, et même dans l'Antiquité, de l'Égypte, les gens qui allaient combattre, souvent, ils avaient une forme de joujou avec eux. Il y avait toujours de l'ail dans leur sac, il y avait toujours de l'ail dans leurs aliments. Donc, voilà le premier point, c'est celui-là qu'il faut retenir que. Là, il sert de protection, dégager les ondes négatives dans votre corps, dans votre maison, dans votre voiture. Et même, vous venez d'acheter un véhicule, vous prenez l'ail, vous l'écrasez, vous l'écrasez. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, vous allez lire le psaume 91, de la gauche vers la droite, gauche vers la droite, comme cela s'est passé sur la muraille de Jéricho. Ou bien, si vous voulez, vous allez lire le livre sur la muraille de Jéricho, qui, je crois, dans le livre de. C'est dans le livre de Deutéronome, et bien vous appliquez cela et vous verrez que ça va marcher très bien. Toute personne qui tentera voler votre véhicule aura tout le cœur fermé. Personne ne pourra venir le voler. Voilà un peu. Il y en a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'ail. L'ail également sert en termes de sexualité. Vous écrasez, vous faites le jus de l'ail que vous allez mélanger soit avec du citron ou encore avec l'orange. Vous pressez le tout et vous buvez 2-3 cuillères avant l'acte sexuel. Ça va beaucoup vous rendre service. La deuxième plante, c'est le gingembre. Le gingembre, vous savez, est beaucoup prisé. Le gingembre est utilisé même dans la médecine occidentale, utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gingembre est utilisé même dans les malédictions. Quand vous voulez prononcer une malédiction, vous pouvez mâcher le gingembre dans votre bouche et puis vous crachez sur la photo de la personne que vous voulez faire du mal, mais bien sûr, il y a des paroles. Je ne vais pas donner de formules comme ça pour éviter que vous alliez faire n'importe quoi. Donc, le gingembre également est l'élément feu. Le gingembre est influencé par l'élément feu. Pourquoi? Ben parce que vous savez que c'est très fort, le gingembre, quand vous le mettez sous la bouche. Et le gingembre est beaucoup plus spécialisé sur les capacités sexuelles. Oui, dans la plupart, même le Viagra. Le Viagra a près de 62% du gingembre. Mais ça a un autre nom là-dedans, un nom scientifique. Il augmente donc la vitalité sexuelle. Vous n'allez pas tomber facilement impuissant quand vous consommez régulièrement le gingembre, vous buvez de l'eau du gingembre. Donne de la force, donne de la puissance intellectuelle et tout, mais également protège. Ça vous protège physiquement et ça vous protège spirituellement. Les protections, c'est quoi? Le gingembre, vous le faites sécher. Après avoir fait sécher longuement, vous le rendez en poudre, et une fois que vous l'avez rendu en poudre, eh bien, vous faites des incantations dessus, et cette poudre-là, vous la soufflez en direction de l'endroit où vous voulez que la protection soit effective. Vous pouvez faire ceci devant la porte centrale de votre maison. Votre maison, elle est à l'abri des attaques, parce que c'est le gingembre. Les entités du gingembre vont s'en occuper. Devant votre voiture, devant l'entrée de maman, donc, ainsi de suite. D'accord? Le gingembre, donc, a ce rôle-là, il donne la force, il sert à la protection, ainsi de suite. Et enfin, je vous parlerai également du piment. Lequel piment? Vous le savez très bien. Ici, il y a un piment qu'on appelle le cayenne pepper. Le cayenne pepper, c'est le piment rouge qui avaient été amenés de l'Afrique, mais ils ont attribué cela que c'est américain maintenant. Lorsque les esclaves traversaient les océans pour venir ici, il y a certains qui ont réussi à amener certaines plantes. Et donc, le piment en fait partie, et le piment également est de l'élément feu. Le piment a pour rôle de la protection, la puissance, la virilité. Et il vous est recommandé, même au cours de vos repas, de toujours manger du piment rouge. La dernière fois, je vous l'ai démontré sur ma chaîne, comment dirais-je, sur ma page Facebook. Voilà succinctement trois plantes que vous pouvez désormais utiliser. Je vous ai toujours promis qu'à la fin de chaque enseignement, je vais toujours vous donner une liste de certaines plantes qui peuvent vous servir et donner également leur origine, leur pouvoir, que ce soit dans le plan mystique, que ce soit dans le plan matériel, biologique. Donc, piment, ail, gingembre, s'il vous plaît, ne manquez jamais de ces trois plantes sur votre table, madame. Même quand vous préparez les aliments à votre mari, ne forcez pas votre mari à aller prendre Viagra s'il ne vous a pas bien pimenté la soirée. Alors, nos mamans camerounaises ont raison. Eh bien oui, elles font le commerce du piment. Alors, j'ai maintenant compris. Elles ne me l'ont jamais expliqué. Maintenant, je comprends le rapport. Parce que la maman qui vend le piment, ça veut dire qu'elle chauffe. Alors, le piment chauffe, mais rassurez-vous, ça donne la puissance, ça donne la protection, ça donne également la virilité. Oui, cela a été prouvé scientifiquement. Le piment est également mis dans un médicament qui sert à grossir l'appareil génital de l'homme. Un médicament qu'on appelle Vigorex Plus. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de quantité de piment là-dedans, en dehors du gingembre. Le piment, le taux de piment était plus élevé. Mais parce que le piment, justement, provoque la puissance, provoque les grandes érections, à cause de l'oxyde. Il y a un élément qu'on appelle la dioxyde. Et cette dioxyde, on la trouve également dans le piment rouge. Et cette dioxyde a pour la capacité de bien gonfler les artères, donc les veines. Et quand l'impuissance ou le dysfonctionnement sexuel, généralement, et même chez la femme, ce dysfonctionnement chez la femme, c'est-à-dire le manque de plaisir, mais parce que le système, les vaisseaux qui sont à la première lèvre et aux deuxièmes lèvres, je parle de l'appareil de la femme, se sont refroidis et à un moment donné, elle devient sèche. Mais maintenant, le piment, lui, va augmenter le sang de circuler dans ces zones-là, tout comme chez l'homme, dans ses veines, mais on appelle ça les vaisseaux. Les vaisseaux sanguins, donc, vont pouvoir devenir puissants, tout comme je vous ai parlé de l'huile de palme hier. L'huile de palme a pour rôle, justement, de pouvoir dilater, permettre ces veines-là d'être prêtes. Maintenant, le piment, lui, vient, il gonfle, ce qui va augmenter votre taux de flot sanguin à votre appareil génital et afin d'avoir des érections tout à fait satisfaisantes et mettre votre femme à l'aise. Voilà donc les trois plantes, s'il vous plaît, piment, gingembre et ail. N'oubliez pas de les avoir. Et le piment également sert à la protection, comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a des talismans que nous fabriquons dans la talismanie pratique. Nous mettons le piment. Nous avons un piment, un Togoloyaworo. Chez nous, les Gallois, les Ngomiens, nous avons un piment spécial qu'on appelle Togoloyaworo. Mais ce piment, c'est le piment sauvage. Et souvent, ce piment sauvage, nous l'utilisons dans certaines pratiques de convocation des entités, dans certaines pratiques, certains rites. Par exemple, comment parler avec vos ancêtres, il vous faut ce piment, l'antogoyoro. Hein? C'est un petit piment, mais on fait sécher ça. Ça se vend dans tous les marchés de Ouagadougou, de Libreville, de Pointe-Noire, de Cotonou, de Porto-Novo. Vous trouverez ça. Vous demandez seulement le piment qu'on appelle le piment sauvage. Ce piment sauvage, donc, sert à pas mal de pratiques. Vous verrez que le vrai sorcier qui connaît faire des protections va souvent vous demander ce piment-là, quand il s'agit de protection. Bien sûr que quand il s'agit également d'impuissance sexuelle ou de dysfonctionnement érectile, ils voudront également vous recommander cela. Voici ainsi donc, pardonnez-moi, j'ai pris un peu plus de temps, en 1 heure, exposé sur les phénomènes des avions mystiques, des avions invisibles. Les avions invisibles, ça c'est la conclusion, existent bel et bien. Les Américains en fabriquent, les Russes en ont, mais ils ne veulent pas les diffuser. Et même là, le journal que j'ai eu accès, de fr.topwar.ur, c'est difficile d'y avoir accès, car il renferme certaines informations sur l'innovation et les hautes technologies en vue d'améliorer les avions de guerre pour que ces avions deviennent invisibles. Et je vous ai dit que la matière qu'ils utilisent, c'est une matière qu'on ne trouve pas sur la planète Terre, mais ils ont signé des contrats avec les frères d'Orion, d'une étoile, d'une planète qui est loin de nous et qui a plus de 2 millions d'habitants. Ils ont dans une technologie très, très, très avancée. Et retenez que les avions invisibles, ça existe, puisque je vous ai donné des preuves. Maintenant, les avions mystiques existent également, mais pas dans le sens de la superstition, mais dans le sens scientifique, car lorsque vous rêvez des mondes parallèles. Vous rêvez des personnes qui sont mortes, mais vous dites que les morts sont morts. Mais pourquoi vous allez rêver le mort? Ça a commencé comment? Oh non, parce que j'ai pensé. Mais non, la pensée, c'est un moyen, un véhicule qui vous... La pensée, c'est le moyen ou le véhicule qui vous permet, votre esprit, de voyager dans l'espace et le temps et de se retrouver dans des zones qu'on appelle des arcanes secrètes. Mais ces arcanes secrètes, c'est des lieux secrets. C'est des lieux où se trouve la véritable raison de la vie. C'est des lieux où se trouvent les personnes qui ont les capacités et tous les pouvoirs, parmi lesquels les anges, les archanges, les démons, et tout ce que vous voulez, même les égrégores, là, les créatures que les humains ont créées à partir de la création des religions, les bas Jésus, les bas Mahomet a existé, pardonnez-moi. Bref, toute religion qui est fondée sur certaines entités, tout qui crée des entités égrégoriques, tout cela, je vous en prie, c'est dans le monde invisible. Mais quand vous allez rentrer dans le monde invisible, je ne suis pas surpris quand quelqu'un me dira, non, j'ai rencontré Jésus, Jésus est venu me blâmer. Mais c'est normal parce qu'on représente ce Jésus dans les films, ça, c'est ce qu'on appelle à tout état de conscience égal à tout état de vie. Donc, appliquant la règle de la psychologie qui parle de tout état de conscience égal à tout état de vie, vous serez à l'abri des superstitions également. Parce que plus vous êtes trop superstitieux, vous pouvez être également être frappé par une cécité visuelle et une cécité mystico-spirituelle. C'est-à-dire, votre évolution spirituelle à travers le développement de soi que je propose dans l'initiation douce, qui consiste à vous connaître et à vous développer. Et par ces phénomènes de psy, il y a un qui est d'ailleurs toujours malheureusement vampirisé, on appelle ça le dédoublement conscient ou bien la bilocation consciente ou inconsciente ou par déplacement de conscience, ce que nous appelons par téléportation. Ça, c'est des phénomènes que vous pouvez le faire. Je vous dis en vérité, je l'ai fait, il n'y a rien de sorcier. Les prêtres le font, les pasteurs le font. Quand il dit le Seigneur m'a parlé, je suis en esprit. Mais il rentre dans une forme de méditation et cette méditation en fonction du taux de foi que l'individu a, puisque la foi étant la ferme attente des choses que l'on espère, la réalité des choses que nous ne voyons pas, mais que nous savons que ça va se réaliser, et que nous nous sommes convaincus par l'exemple des témoignages d'Abraham qui a reçu les anges, et de Moïse qui a marché sur les eaux. Ces exemples nous stimulent, stimulent notre subconscient, au point où notre subconscient finit par être influencé à l'état conscient, et puis le miracle s'est produit. Mais en réalité, il n'y a pas un miracle, car tout individu qui est initié à la première initiation douce, est capable de marcher sur l'eau, est capable de marcher sur le feu, est capable de devenir invisible, rentrer dans une banque et faire tout ce que la personne veut. C'est-à-dire que les gens peuvent utiliser ce pouvoir pour le mal, mais en réalité, je n'encourage pas les gens de faire le mal. J'ai des témoignages de personnes ici qui suivent mes enseignements depuis près de 3 ans bientôt qu'on a créé ces forums, qui m'ont parlé, je leur ai demandé d'expérimenter la technique de l'invisibilité. Ils me disent, maître, c'est incroyable, c'est pas possible. Je suis passé, mais j'ai appliqué ce que vous avez dit. J'étais devenu invisible. Mais quand on parle de la technique de l'invisibilité, vous ne disparaissez pas. Mais sauf que vous créez des conditions qui font en sorte que la personne qui est là devant vous là, ne va pas vous voir. Mais alors qu'en réalité, vous voyez la personne. C'est ça. Cette personne ne peut pas dire que votre corps matériel va disparaître. Donc, tous ces phénomènes, je l'explique dans les initiations douces et au cours des séminaires. Il est prévu, pour ceux qui vont me convoquer la prochaine fois, vous verrez, je vais vous donner des secrets sur la technique de l'invisibilité. Vous pouvez devenir invisible devant votre ennemi, devant votre qui que ce soit. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Ça s'apprend. Ça s'appelle parapsychologie, étude du paranormal, en vue de comprendre les phénomènes qui sont abnormaux, qui sont pas normaux. Donc, c'est ça. Ça s'apprend. Maintenant, la deuxième phase, qui est l'initiation forte, ben, c'est cette initiation forte qui peut vous permettre aussi, avec les mêmes avantages que l'initiation douce vous permet, de voir le monde de l'au-delà. Moi, ce n'est pas l'iboga qui me permet de voir le monde. Ce n'est pas l'iboga qui m'a permis de voir. L'iboga, c'est récemment que j'ai commencé à consommer ça. Mais c'est moi-même, de par mes entraînements, du pranayama yoga, du yuna, de kundalini yoga, de hatha yoga, de jnana, bhakti yoga, laila, le yoga, toutes ces formes de yoga que je maîtrise très bien m'ont permis donc d'avoir accès à des arcanes secrètes. Car yoga d'abord, par le premier yoga qu'on appelle yoga, veut dire quoi? Hatha yoga. Le yoga de l'assouplissement de votre corps, c'est pour permettre votre esprit d'être libéré des obstructions. Parce que de par votre comportement et le manque d'observation des ascèses initiatiques, votre corps a des blocages. Et ces blocages, finalement, et voilà pourquoi il y a mon maître, l'un de mes maîtres tibétains, qui a fabriqué ce truc-là. qui, lorsque vous vous mettez là-dedans, ça fait des pressions et ça va vous dégager de toutes les pressions que vous avez dans votre corps lorsque vous allez dormir là-dessus. Rassurez-vous, c'est très, très, très piquant. Hein? Ça pique beaucoup, ces histoires-là. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons également chez nous, dans nos villages au Gabon, nous avons des nattes spéciales. Les nattes qui sont faites à base de l'hysope, la feuille de l'hysope. Ces nattes-là, lorsque vous dormez dessus également, vous aurez droit et accès dans le monde tridimensionnel. Donc, maintenant, parlant de l'initiation forte. L'initiation forte, vous prenez le bois sacré, vous allez voyager dans l'espace et le temps. Vous prenez la liane sacrée, la liane amère qu'on trouve en Amérique du Sud, c'est la même chose. Vous allez également consommer quelques plantes sacrées qu'on trouve dans la zone chez le peuple Baoulé en Côte d'Ivoire. J'ai découvert cela. Cette plante-là, vous la mâchez, vous absorbez l'eau avec, vous l'absorbez avec votre salive, mais ajoutez un peu d'eau et vous verrez, vous aurez comme l'impression que vous avez des hallucinations et vous verrez les autres mondes. Voyez-vous, cette plante a été découverte récemment et à ma grande surprise, donc l'iboga n'est plus la seule plante au monde qui peut vous donner des visions dites hallucinogènes, mais en réalité, ce ne sont pas des hallucinations. Mais lorsqu'on ne connaît pas les vrais mots, eh bien on dit hallucination. Mais en réalité, c'est simplement la clairvoyance du monde paranormal. C'est la clairvoyance. C'est une prélude. Ces images sont préludes à la véritable entrée dans les arcanes secrètes qui vous permet de rentrer dans le monde des secrets, dans le monde sublidimensionnel, c'est-à-dire le monde des dieux, le monde des morts, le mouvement obligatoire du retour vers la terre, du retour vers les morts. Et c'est ainsi que vous allez vivre tout ce genre d'expérience-là. Donc, à travers la plante, comme je vous dis, désormais, ça devient un style. Chaque fois, je vous donnerai la liste de certaines plantes. Prenez le soin de pratiquer ce que je vous dis. C'est ça la véritable sorcellerie positive. Je ne viendrai pas vous apprendre une sorcellerie négative, vous apprendre à aller tuer quelqu'un, ou bien sortir en vampire, aller manger quelqu'un, ou prendre le carburant de quelqu'un. Vous avez également appris aujourd'hui que les fameux faux follets là que vous voyez là, ça n'a rien, rien, rien de réel. C'est tout simplement de la superstition. Parce qu'on ne peut pas voir l'esprit. Quand vous sortez de votre corps, personne ne peut vous voir. Rien, c'est faux. Quand l'ange vous apparaît, sauf accident, hein, je vous ai parlé de la bilocation par téléportation. Il peut arriver que vous ayez un accident en cours de route et puis on vous surprend, vous êtes là, abandonné, tout nu, mais c'est comme, oh non, j'avoue, vraiment, j'ai fait un voyage, mais ça a mal marché. Ça existe, mais en réalité, quand l'esprit sort de votre corps physique, l'esprit est invisible. Quand l'ange veut vous parler, quand l'Esprit de Dieu veut vous rentrer dans le corps, il n'y a que des sensations, il n'y a que des transes. Et c'est dans cet état transique qu'on peut dire que oui, il y a la connexion. Oui, les esprits sont là. Et les esprits vont commencer à parler. Parler par personne interposée. Mais vous ne verrez pas l'esprit. Donc, l'affaire des faux follets là-haut, enlevez ça de la tête. Quand vous irez au village, si les gens vous disent ça, vous dites, Monsieur Moron, lui, a dit que c'est faux. Ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec les esprits. Ce sont. Il y a des petits insectes là qui brillent, qui font du bruit. Il y a également les avions de nos frères qui vivent dans d'autres planètes. Souvent, c'est la nuit qu'on essaie de les voir, mais ils filent à la vitesse de la lumière. C'est pour cela que vous avez l'impression que ça va vite. Mais ce n'est pas l'esprit de quelqu'un qui est sorti du corps à remplir et puis on voit ça. Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Il faut être dans le monde mystique pour voir et comprendre. Voilà ce que je peux dire comme conclusion. Que Tetamwanga, Diwanga Wanga vous bénisse. Si vous avez des questions, allez-y dans les forums. Je serai prêt à vous répondre pendant 1h30 avant que je ne me rende au travail. Mais entre-temps, je vais essayer de lire les questions qui sont ici sur l'écran, s'il y en a quelques-unes. Okidoki. Oh, mais dis donc, il y a quelqu'un qui me suit depuis l'Australie. Oh, d'accord. Soyez salués, oh. Vous, parfois, vous me présentez les photos des femmes hein, alors que c'est un homme. Moi, je vous dis, moi, je ne m'intéresse pas aux histoires des femmes. N'ayez pas peur, présentez-vous sur votre vrai aspect, vous aussi. Oh. Oui, mais si vous avez essayé le groupe, gourou, machin, il est complet. Voilà, à la fin de cette vidéo-ci, il faut rentrer dans le groupe Telegram. Hein, là, je m'adresse à Tramarché, qui me donne un petit nom là. Bon, maintenant, nous allons voir les questions. Je me souviens un soir, je regardais les étoiles dans le ciel. Tout à coup, j'ai vu un point lumineux environ 9 km du sol. Ensuite, ce point accélérait à très grande vitesse. Voilà. C'est ça? Ça n'a rien à voir avec un sorcier qui est sorti en vampire. Ce sont les avions de nos frères qui vivent dans les plans tridimensionnels, c'est-à-dire dans les autres planètes que nous ne connaissons pas. Comment content d'être parmi vous? Merci beaucoup, Brice. N'oubliez pas de vous abonner dans les forums là. Bonjour maître, et le faux follet. Mais voilà, c'est ça là que je vous ai dit. Le faux follet là, c'est ça. Ça, c'est Le faux follet, ça n'a rien à voir avec le vampire, comme on vous le fait croire, ok? C'est ce que je viens d'expliquer dans l'enseignement. Le faux follet, une fois de plus, ce n'est pas le sorcier qui sort. Non, non, non, non, non. Ce sont des lumières comme quelqu'un qui vient de faire le témoignage qu'à 9 km de la Terre, elle a pu estimer cette distance et a vu ce genre de lumière. L'avion s'appelle la Concorde Air France. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Merci encore. Bon. Maître, bonjour. Pour le gingembre, peut-on le râper ou souffler pour qu'il serve de protection? Le gingembre. Oui. Oui, vous pouvez le râper, c'est même mieux. Quand vous le râpez, c'est mieux. Sécher, râper, oui. Le piment brut ou écrasé? Non, c'est le piment brut. C'est le piment rouge, brut, là. C'est ça. Ntogole Goro, merci beaucoup, maman Riette. Le piment de Guinée ou sauvage, merci beaucoup. Ça, c'est le piment que nous utilisons dans certaines pratiques magiques. Même les femmes du Djembe l'utilisent. Dans le Bouti, on l'utilise également. D'accord? La technique de l'invisibilité comme en Dendé Neuf Routes, voilà. C'est seulement l'âme qui voit ça. Oh, merci beaucoup, la sœurette des Cossards depuis Haïti. Oh, maman Bourobou, d'accord. Mais toi, tu as changé, tu es maintenant à Melbourne. Mais tu ne m'as pas dit tout ça là? Mais toi, tu as des comptes à me rendre. Comment tu as disparu de là où tu étais et puis tu es maintenant à Melbourne? Tu es en vacances ou quoi? Est-ce que vos rituels que vous aviez développés dans l'ère du poisson sont-ils encore efficaces dans l'ère du Verseau? Quelle que soit l'ère, que ce soit l'ère du poisson, que ce soit l'ère du crocodile ou l'ère du Verseau, ou même l'ère je ne sais quoi, parce que là nous attendons une autre ère, c'est l'ère Novrus. Quelle que soit l'ère, il y a des rites qui disparaissent, certes, mais il y a des rites qui restent définitivement. Parce que le rite, c'est quoi? Le rite, c'est tout simplement un ensemble de pratiques, un ensemble de techniques qui vont toujours vous permettre de vous connecter avec l'au-delà jusqu'à ce que vous atteigniez la perfection et l'immortalité. Mais dès lors que vous deveniez immortel, vous n'avez plus besoin de rituel. Vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Il faut le retenir. L'objectif des rituels, l'objectif de la religion, l'objectif de la connaissance ésotérique, du mysticisme, du développement de soi et de la connaissance connaissante, c'est pour vous permettre de retrouver votre originalité et vos origines. Et de ce fait, l'originalité, c'est quoi? C'est de devenir un avec le tout. C'est de pouvoir réintégrer le tout, microcosme dans le macrocosme. C'est de devenir Dieu parce que vous avez perdu cet état initial de par le manque de connaissances, de par l'ignorance. Faute de connaissances, mon peuple meurt et s'embrouille. D'accord? Les religieux vont dire non, c'est le péché. Donc, ce fameux péché entre griffes, c'est celui qui nous a détachés. À cause donc du péché, il faut des rites, il faut ceci, pour pouvoir atteindre l'immortalité. Mais dès que vous atteindriez cette immortalité, il n'y aura plus, quel que soit l'ère, je le répète, à l'ère Nouvos, c'est l'ère que nous attendons, Nouvos, N-U-V-U-S. Cette ère que nous attendons qui va précéder l'ère du Verseau, car l'ère du Verseau, c'est l'ère des mutations des connaissances, c'est l'ère de la rencontre christique, c'est l'ère de la matérialisation christique et de l'éclosion christique, l'ère de la révolution intellectuelle mystico-spirituelle. Et donc il y a, au cours de cette révolution, il y a une prise de conscience individuelle et collective. Et là, nous avons donc cette conscience collective, puisque vous êtes tous réunis là, près de 60 personnes en train de me regarder à l'instant. Et quand il y a cette donc, prise de conscience individuelle et collective, ça vous amène donc à l'éveil de ceux qui dorment. Et ça dort, ça cause de l'ignorance. Il dort ou elle dort, ça cause de l'ignorance. Il dort, elle dort, ça cause du péché. Il dort, elle dort, à cause de votre poids karmique. Maintenant, une fois le poids karmique est dégelé, le poids karmique est complètement décarboné, et que tout ce que vous avez fait par le système des 3P, purification, préparation et perfection, eh bien, la perfection va se manifester. Oui, c'est l'objectif de se perfectif, de se parfaire, afin, disons, d'atteindre l'immortalité, comme je l'ai dit tantôt. Et une fois que vous avez atteint cette immortalité, les rites qu'on fait à l'ère du poisson, ce sont les mêmes. Le rite du Notre Père, on le faisait à l'époque de l'Antiquité, à l'époque de l'Égypte antique. Le Notre Père qui a été modifié, bien sûr, est rattrapé. Le rite des ablutions que je vous ai montré, comment nos ancêtres priaient à l'époque, tête basse, les mains par-ci, le gestuel, pied en haut, le cul en haut et tout cela. Mais c'est ça le rite ancien. Mais c'est une ritualité, comment dirais-je, une ritualité très efficace qui vous permettrait d'être en connexion absolue avec le tout. Au point où on pourrait dire que vous êtes l'homme de la cage, vous êtes l'homme de la cave, c'est-à-dire l'homme de l'ignorance. Mais vous voyez que de l'ère de l'ignorance du précambrien à l'ère absolue du poisson, et de l'ère du poisson à l'ère du verseau où nous sommes, l'homme a fait des pas énormes. Il a progressé. Par ce progrès, il va être sanctionné par une couronne, la couronne de la libération et de la véritable liberté. C'est ce quoi? C'est l'immortalité. Et quand vous arriverez à cette immortalité, ça veut dire vous ne vous incarnez plus. Les rites sont nécessaires tant que vous êtes un être incarné. Tant que vous allez vous incarner, vous aurez toujours besoin des rites, quelle que soit l'ère. J'espère que j'ai été clair. Pardonnez-moi d'avoir été trop long, mais c'est tous inspiration de mes ancêtres, surtout de mes maîtres invisibles, car cette question revient toujours à chaque fois. Il y a à peine 2 semaines, j'étais à une conférence américaine où on m'a invité. C'est des frères maçons qui ont organisé. Quelle est notre position pendant l'ère du Verseau et après l'ère du Verseau? Donc, vous voyez, votre question là, elle revient et c'est la question qui m'a été posée par les Américains. Et c'est un peu la même réponse que j'ai donnée, sauf que là-bas, j'ai développé d'autres aspects. Je crains qu'on reste encore 2 heures de temps ici. Question très importante. Donc, je crois que vous avez eu la réponse. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga vous bénisse. Et nous allons nous retrouver, si Teta Mwanga le voudra, le week-end. Souvent, je vois des petits points de lumière. Qu'est-ce que c'est? Les points de lumière, vous les voyez où? Par rapport à quoi? Il faut être clair dans votre question. Comment puis-je prier pour mes enfants? Bon, la prière, allez-y suivre. J'ai sorti près de 5 vidéos sur la prière. Quel genre de prière vous devez éviter? Quel genre de prière vous devez faire? Il y a les prières classiques, il y a les prières mystiques et il y a les prières traditionnelles. Donc, il faut savoir quel genre de prière. Maintenant, vous priez pour vos enfants, mais il n'est pas interdit. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux pour prier pour votre enfant. Ça, c'est la méthode, ça, c'est la méthode classique, superstitieuse, de programmation des religions. Je l'explique très bien. La prière, vous n'êtes pas obligé. Mais maintenant, comme je disais, sur la question que Kimbongo, mais comment il s'appelle, Kabongo a posée, voilà, Kassongo a posé, eh bien, les rites, les prières, les méditations, tout ça, ce sont des béquilles. Les religions, ce sont des maternelles. Mais quand vous aurez atteint un certain niveau, vous n'aurez plus besoin de ça. Moi, je ne prie plus à genoux, hein. Je ne prie plus. Je pense et je l'ai. Donc là, c'est un autre niveau. Je parle avec vous qui, pour la plupart, vous êtes encore à ce niveau-là de la recherche de soi. Mais quand je m'adresse à ces mecs-là, qui sont des grands maîtres maçons, le débat est différent. Chose là-bas, ils ne croient plus que Dieu. Ce sont eux d'ailleurs à cause d'eux que j'ai toujours dit, Dieu n'existera, Dieu n'existe plus. Mais pour vous, Dieu existe parce que vous le cherchez. Mais quand vous l'aurez retrouvé, il n'existera plus. D'accord? Donc, la prière, c'est simplement un acte magique, simple. Vous pouvez prier couché sur votre lit. Ça, c'est le comment. Il y en a plusieurs postures recommandées. Mais par contre, si vous voulez prier pour vos enfants, il est important, si les enfants sont loin de vous, parce qu'on m'a posé la question comment, si les enfants sont loin de vous, ayez un support. Le support, c'est quoi? La photo, une photo toute récente. Ou bien à travers les histoires des téléphones, l'enfant est là-bas et puis on dit on va prier. C'est très efficace. Si les enfants sont avec vous à la maison, il ne faut pas prier, avoir peur quand il y a mon enfant, il a fait trop les drogues à Tisha, mais qui est? Non, ne le faites pas. Appelez l'enfant, dit Richard, oui, maman, viens ici. C'est quoi encore, maman? Viens, nous allons parler à nos ancêtres. Si vous voulez suivre la prière traditionnelle, ou bien nous allons parler à Dieu. Ah, parler à Dieu, oui. C'est lui qui crée les technologies que toi, tu es en train de t'esclavagiser, te détruire les yeux. C'est lui. C'est les hommes qui ont créé ça. Le type qui appartient à la compagnie Apple, là, vous savez que c'était un grand initié. Il méditait tout le temps. Et on l'a appelé très jeune. Mais parce que les maîtres ont dit, tu as révolutionné le monde. On t'a montré quelque chose qui existait déjà, même avant l'époque de l'Atlantide. Donc, il est grand temps que tu laisses. Les gens vont continuer à développer. Maintenant, on est maintenant à quoi, là? iPhone 14. Hein? Ils vont continuer iPhone 16 ou 58 ou combien? Donc, vous lui dites, dans des arguments très aimants, avec amour, comme je le dis sur les 13 règles de la vie, avec amour et considération et respect, parce que votre enfant, avant tout, c'est un être humain, hein, que l'enfant ait 1 an ou l'enfant ait 55 ans, il faut toujours lui parler avec considération et respect. Dis, maman, ou bien mon fils, nous allons prier. Bon, là, c'est la troisième forme de prière la plus efficace, c'est de s'asseoir avec votre enfant, attraper les mains et vous parler. Là, je réponds sûrement en partie à votre question, parce que je vois vos oreilles qui sont en train de tourner en rond là. Vous n'êtes toujours pas encore convaincu à 100% parce que vous voulez quelque chose d'autre. Vous pouvez venir dans les forums, Et puis je vous approfondirai cela. On continue. Oui, c'est pour le travail, maître. OK. Ah bon, tu es maintenant là-bas. Hein? Bon, bah, on va bien parler pour l'affaire du travail, là. Tu ne m'as même pas dit. Ça, c'est grave. Hein? Moi, je pensais qu'on était tous complices. Bonjour, maître. Qu'est-ce que le mauvais œil? Le mauvais œil. Bon, le mauvais œil, c'est... Est-ce qu'il y a un bon œil et puis un mauvais œil? Bon, ça, c'est une expression qu'on utilise souvent dans la société africaine. Tu as le mauvais œil, veut dire tu as l'œil qui veut lorgner et voir trop de mauvaises choses. Tu es toujours là en train de vouloir regarder les choses qui ne te regardent pas. C'est ça, le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est celui-là qui a un mauvais cœur, qui est toujours là en train de regarder les choses des autres. Il sort en vampire, il vient te lorgner, il veut savoir ce que tu fais, si cela, que ce soit dans le plan matériel, physique, que ce soit dans le plan mystico-spirituel. Le mauvais œil aussi, c'est quelqu'un qui est jaloux. Ça a beaucoup d'explications. On avance. Moi, je ne veux pas rester longtemps. Est-ce que celui qui a développé la clairvoyance est plus évolué par rapport à celui qui ne l'a pas encore fait? Même vous-même, vous trouvez la réponse comment? Vous trouvez que cette question-là, c'est nécessaire de la poser? Si vous avez ouvert vos chakras, et je vous informe, je le répète tous les jours, l'ouverture des chakras n'est pas nécessairement synonyme de voyance. Non, la voyance fait partie des vertus que l'ouverture des chakras crée. Je vous informe que c'est l'ouverture du deuxième chakra qui crée la voyance. Mais l'objectif n'est pas là pour avoir des sensations, de voir les vampires, les gens sortir à vampires, vous voir les voyances. L'objectif, c'est d'aller et ouvrir tous les sept chakras et que ces sept chakras soient en harmonie avec le chakra universel qui est la source de tout, l'énergie fondamentale. Maintenant, les conséquences de l'ouverture de tous les chakras de votre corps, elles sont nombreuses. Il y a d'autres qui sont spécialisés. Par exemple, pour mon cas, je vous dis à chaque fois que je viens vous parler, je n'ai pas un livre. Ça, c'est le chakra numéro 4 qui me permet d'avoir le don de sensibiliser, d'éduquer, d'enseigner, de répondre sans hésitation de quel que soit le domaine et ainsi de suite. La faculté de tout retenir et tout. C'est vrai que je suis influencé par la planète Mercure qui est la planète qui influence tous les intellectuels du monde entier, les journalistes, les politiciens, tout et tout et tout. Voilà pourquoi mon passage dans le monde de la politique fut un succès. N'étant pas là, on m'a voté par procuration à 100%. Vous imaginez? Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas une coïncidence. Voyez-vous? Donc, les chakras qui s'ouvrent vous donnent, à chaque chakra, il y a une ouverture de connexion avec certaines facultés psychiques. Voyez-vous? De certains pouvoirs qui se manifestent. À chaque chakra. Maintenant, tous les sacres sont ouverts. Alors, vous avez, parmi tous ces sept chakras-là, il y aura un chakra qui va être beaucoup plus prédominant, qui aura tendance à vous donner, c'est-à-dire l'ouverture, par exemple, de mon quatrième chakra. Ça, c'est un rapport avec le don, pardonnez-moi, du coaching, de tout et tout et tout. Où je n'ai même pas de doctorat, je n'ai pas de grandes études universitaires. Certes, je fais l'université, mais je dis, même avant de faire l'université, même étant en classe de quatrième, je faisais déjà de grandes éloges, de grandes démonstrations étant au lycée technique. Les gens me disent, même les professeurs, à l'époque, le professeur Bilombo, ceux qui l'ont connu au lycée technique, le professeur Bilombo était un grand initié, un grand mystique. Il voulait même demander des débats avec Patrick Guémandon un moment. Je ne sais pas si vous le saviez. Je vous amène dans les années 81-82. Monsieur Bilombo, qui était professeur de mathématiques au CET, au collège d'enseignement technique à l'époque. Le CETI, c'est devenu CETI, Collège d'enseignement technique industriel, sud-sud. Bref, alors, l'ouverture des chakras par rapport aux autres, mais les autres, s'ils n'ont pas développé l'ouverture de leur chakra, s'ils n'ont pas fait le développement, parce que le développement de soi, il y a plusieurs voies. Il y a ceux qui le développent par le bouti. Le bouti va vous ouvrir aussi vos chakras, mais sauf que ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce qu'il y a l'autre qui vous fait des caprices. L'autre qui est le moi qui est l'orgueil. L'orgueil qui n'est autre que le manque d'observation des ascèses initiatiques. L'autre qui vous pousse à vouloir coucher les femmes des autres. L'autre qui vous pousse à mentir, qui vous pousse à voler, qui vous fait chercher, qui vous donne l'orgueil. Parce qu'on a un doctorat, on pense qu'on est maintenant au-dessus de tout. Alors, entre-temps, les pays africains sont calboignés par terre à cause des intellectuels. Alors que les hommes les plus qui n'ont jamais fait l'école, qui n'ont pas fait de hautes études, ont su diriger les pays, la plupart des pays. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Donc, répondre à votre question, dites seulement, non, pas nécessairement. Je voulais dire, celui qui n'a pas développé, mais c'est normal qu'il ne puisse rien avoir. Le travailleur qui n'a pas travaillé, il aura quel salaire? Hein? Même moi qui suis fonctionnaire, Le fait là, par exemple, je constate que le temps a passé. Je vais call off, je prends le téléphone, j'appelle. Bon, écoutez, je ne me sens pas bien. Je vais utiliser mon sick time. Mais comme j'utilise le sick time en une période donnée du mois, il y a des règles. On me dira, non, on ne va pas te payer 100%, on te paye seulement 70%. Alors, je m'en fous, je perds 30%, c'est rien. Donc, il n'y a rien sans rien. Vous n'aurez rien sans avoir démarré quelque chose. La force, le mouvement est le résultat de la force en mouvement, sous couvert des pistons et des segments, pour le cas du moteur de la voiture. Donc, vous ne pouvez rien obtenir sans rien. Donc, votre question, celui qui n'a pas développé ses chakras, qu'est-ce que ça va se passer? Il n'y aura rien. Maître, tu déconseilles le travail avec les démons de là. Moi, je n'ai pas de. Moi, je suis clair. Au niveau où je suis, vous voulez toujours tout me chicaner. Je travaille avec certains démons. On vous dit le démon, c'est celui qui vous donne la faculté d'avoir l'argent. Le démon, c'est celui qui va vous prendre quelque chose, qui va vous chercher l'or. Mais donc, à un moment donné, un véritable initié en a besoin. Maintenant, moi, ce que je vous ai déconseillé, ce n'est pas vous personnellement, tout le monde, tous ceux qui viennent suivre mes enseignements, je ne leur demande pas d'aller s'amuser déjà avec des démons tant qu'ils n'ont pas une bonne formation. Parce que les objectifs de mon enseignement, c'est de devenir un véritable maître. Ce n'est pas moi qui vais vous le faire devenir. Moi, je vous donne seulement des bases. Certains d'entre vous, vous êtes initiés dans certaines écoles. Donc, dans votre initiation, moi, je vous aide à mieux comment comprendre certains mécanismes. Parce qu'il y a certains initiés, que ce soit en ligne, hein, que ce soit sur place en Afrique, mais qui ont le mauvais cœur, qui continuent à patauger dans les conneries, qui continuent à désirer les femmes des gens. Alors qu'un véritable initié, c'est quelqu'un dont le corps éthérique et le corps énergétique, surtout le corps de lumière, ne partagent plus dans n'importe quoi. Voyez-vous? Alors, quand vous avez atteint un niveau, je voulais toujours répéter que lorsque vous avez atteint le niveau de maître, moi je n'ai aucun problème, moi, avec les démons. Moi, je peux manipuler les démons. Ils sont soumis à ma volonté. Tout comme les anges aussi sont soumis. Ce sont mes partenaires. Ce sont mes frères du monde invisible. Ils sont immatériels, certes. Ce sont eux qui agissent par pouvoir obligatoire pour le compte de Tétan, mon gars, du Vanga, Vanga, l'être suprême. La plante que moi je vais chercher, c'est géré par une entité. Mais ce n'est pas un ange qui gère ça. L'ange, lui, il est là pour vous donner des facultés telles que les facultés de voyager dans l'espace et le temps, pour comprendre les grands mystères, pour communier avec Dieu, les facultés de voyance, les facultés de la sagesse, les facultés de faire du coaching pour ne pas choquer les gens, mettre les gens à l'aise. L'ange sera là à côté de vous. Mais le démon, il peut faire la même chose, mais sauf que lui, il est dans des demandes matérielles immédiates. Or, l'ange, ce que lui que vous appelez l'ange, n'est pas là pour faire ça. Vous demanderez à un ange, je vous l'ai expliqué la dernière fois, l'ange numéro 63, par exemple, il vous donne la prospérité. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Un ange n'est pas là. L'archange n'est pas là pour vous donner la prospérité. C'est des êtres qui sont dans les hautes dimensions de spiritualité. Mais lui, quand vous allez vous adresser à lui, imaginez-vous, c'est son frère qui est dans le monde des ténèbres, dans le monde des reflets. Le bien et le mal sont tous ensemble. Tête à moi, ainsi a-t-il dit, que moi je te crée, toi l'homme. Et que tu aies le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Même si je te demande de choisir ce qui est bien, mais toi, tu es le maître du bien et du mal. Donc, le démon et l'ange, ou bien le bien et le mal, sont là. Je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de chasser le mal. Ça a commencé comment? Si quelqu'un vient vous gifler, vous allez regarder et dire que non, Jésus a dit joue gauche, joue droite. Non. Donc, quand je dis débarrasser des démons, c'est lorsque vous êtes encore au début de votre formation mystico-spirituelle. Vous n'avez pas encore atteint une certaine dimension. Il serait un danger que je vous conseille de, par exemple, allez prendre le chapeau noir au cimetière. Ou bien, deux, vous encourager à commander un portefeuille magique. Ou bien, de commander la bague aux 1000 pouvoirs. Moi, je n'ai aucun problème. J'en ai au moins deux comme ça. Une version indienne et l'autre version, c'est en Arabie Saoudite comme on l'a envoyé. La bague aux 1000 pouvoirs. Voyez-vous? Mais parce que moi, mon esprit est déjà bien canalisé, bien centré. Aucun petit démon ne peut m'effrayer, même le diable, que s'il existe. D'accord? Donc, et les anges et les démons doivent être à votre service. C'est ça le rôle de l'homme. Vous êtes Dieu incarné. Vous êtes un Dieu. Vous n'avez plus besoin de Dieu, Tétamouanga. Mais vous avez besoin de lui quand vous avez encore les béquilles. La religion, ce sont des béquilles. Les initiations, ce sont des béquilles. Mais quand vous avez atteint un bon niveau initiatique très poussé et que vous êtes devenu maître de maître, vous devenez maintenant connaissant des connaissants. Vous êtes devenu un connaissant et non un connaisseur. Et la connaissance vous a transcendé. Je n'ai pas dit que vous devenez le meilleur. Parce que je ne suis pas le seul qui prêche ceci tous les jours. Dans le monde invisible, il y a quelqu'un qui est en train de prêcher ce que je vous prêche. Puisque au royaume des morts, moi je vous informe, moi j'ai vu mon papa, il était il y a à peine 6 mois, il me dit vraiment merci mon fils, parce que grâce à toi, là j'avance maintenant au troisième degré. Il apprend aussi. Parce qu'il faut qu'il apprenne pour aller dans d'autres dimensions, bien que mon premier fils porte le nom de mon père. Mais je vous l'expliquais, ce qu'on appelle les incarnations par prototype. L'âme initiale, originale, a besoin de sauver son âme. Donc, les démons, vous en aurez besoin, tout comme les anges. Dieu, laissez-le tranquille. Mais pour le moment, vous en avez besoin parce que vous n'êtes qu'un bébé. Mais quand vous aurez compris qui est Dieu et que Dieu n'existe que Dieu n'existe plus, je l'ai toujours dit. Moi, je suis arrivé au stade où Dieu n'existe plus. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, mais j'ai dit qu'il n'existe plus. Parce que j'ai compris qui il est. J'ai vu qui il est. Je sais qui il est. Et quand vous êtes arrivé à ce niveau, ça n'a rien de religieux. Et quand je dis ce genre de choses, je vois des pasteurs qui disent, oh non, le type, il est devenu fou. Mais parce qu'ils ne comprennent pas mon langage. Le Jésus des chrétiens l'avait dit, que moi, mon langage, personne ne peut le comprendre. Même ses propres disciples s'embrouillent. Oh, yayo, il a dit quoi là? Mais il nous casse la tête avec son langage. Mais justement parce que il y a un niveau où on ne peut pas nous comprendre. On nous prend pour des fous. Et les gens pensent que je suis bavard. Là, je parle ici. Mais quand je suis au boulot là-bas, les gens se demandent, mais toi, tu ne parles pas, c'est comment? J'ai dit, non, ça va, je pense. Je pense donc que je suis. I think so means. I think I am. Il me dit, hé, I think I am. Mais tu dis quoi encore là? J'ai dit, pardon. Allez-y, travaille là-bas. Les démons, je le répète pour votre question, quand je dis les gens ne s'en débarrassent, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Le démon profite de quelqu'un qui est ignorant. Encore faut-il, au niveau numéro 4, quand vous allez atteindre le niveau numéro 4, je vous verrai que le démon n'existe pas. En réalité, le démon, c'est vous-même. Donc, vous n'aurez même plus besoin d'évoquer les démons. Ouais. Ça, c'est le niveau numéro 4. Et ça, c'est le niveau où je ne peux pas avoir affaire à des religieux. Les religieux vont dire, non, non, le type, là, il dévie maintenant. Vous comprenez? On avance. Je crois qu'on a fini. Que Tétan Manga vous bénisse. Il y a tellement de rites, ce qui nous perd un peu. Mais bien sûr, mais les rites, il y aura toujours. Il y aura des milliers de rites. Vous voulez quoi? Chaque chose, il y a toujours un rite. Mais ça fait partie parce que justement, vous avez péché. Pardonnez-moi, pas vous personnellement. Mais c'est parce qu'on s'est détourné de la voie divine. Et pour pouvoir retrouver l'immortalité, savez-vous que l'homme a été créé pour être immortel? Nous sommes obligés de subir des incarnations en incarnations, même quand on atteint l'immortalité. Après 1000 ans, ce qui se passe à Vénus 4. Justement, à Vénus 4, nos frères qui vivent là-bas, ils me l'ont dit, qu'après 1000 ans, eh ben, ils s'injectent certains produits. On les injecte pour. Parce qu'après 1000 ans, il est prévu que s'ils ne le font pas, ils oublient, c'est fini, ils vont disparaître. Ils atteignent cette immortalité, mais toujours est-il qu'il y a un processus pour pouvoir se réinsérer, comment on appelle ça? Bref. Comment avoir des explications efficaces, efficientes, détaillées de vos enseignements pour intéresser et convaincre d'autres personnes. Mon objectif n'est pas... Voilà justement ce que je ne veux pas. Les enseignements que moi je vous donne, ce n'est pas pour aller convaincre quelqu'un. Mais justement, si vous pouvez être capable de convaincre. Il y a ça là, ça va faire 428 vidéos. 428 avec 193 vidéos pratiques. Vous pouvez pratiquer ce que je vous dis. Si vous le faites, bien sûr, vous allez convaincre. Abidjan, c'est bizarre. Hein? Au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai plus de personnes qui font des témoignages. Sur mes enseignements. Il est pratique, ils voient la matérialité. Ils voient cela. Au Gabon, chez moi aussi, surtout les femmes. Au Gabon, c'est malheureusement qu'il y a très femmes qui font des témoignages. Mais vous n'avez pas besoin d'aller convaincre quelqu'un. Convaincre quelqu'un, c'est à travers quoi? Mais ça dépend. Si c'est un pasteur ou bien je ne sais trop qui, ben, vous présenterez mes vidéos. S'il veut débattre avec moi, vous me l'appelez ici, là. Je vous dis, je vais demander beaucoup. Ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas méchant, moi. Ils ne veulent pas. Mais l'objectif de mes enseignements, ce n'est pas pour aller créer des débats. Ce n'est pas ma nature. Je n'aime pas la guerre. C'est vrai que je fais les arts martiaux. C'est vrai que je fais une formation militaire également ici. Mais non, l'objectif n'est pas de faire la guerre aux gens. J'ai les armes. Non, non, non, non, non. Je suis quelqu'un de pacifique. Vous me connaissez très mal. Ceux qui m'ont connu depuis la jeunesse pourront vous témoigner. C'est pour cette raison. À chaque fois que je donne les enseignements, vous avez remarqué, je dis toujours, pardonnez-moi. Les gens m'ont reproché que, comment, vous êtes un maître, vous êtes toujours en train de dire pardonnez-moi, ça c'est un signe de lâcheté. Oui, ça c'est l'orgueil. Un véritable maître ne doit pas être orgueilleux. Il faut être humble. Mes enseignements que je vous donne, veuillez suivre mon exemple. Vous vous armez des connaissances, expérimentez-les, appliquez-les dans votre vie. Maintenant, quiconque demandera la raison de vos pouvoirs, comme le dit quelque part Pierre, c'est Pierre qui a dit ça aux gens. Quiconque demandera la raison de votre foi, vous pouvez le démontrer matériellement et spirituellement. Vous pouvez le démontrer. Et leur dire que la voie que je suis, c'est une voie inébranlable et c'est une voie qui m'a changé ma vie. C'est vous seul qui pouvez leur convaincre par vos actions, par vos actes, par vos pensées et par votre comportement. Ce n'est pas mes enseignements qui vont aller convaincre quelqu'un. Parce qu'il y en a tellement de gens qui parlent, qui tchatchent, mais en réalité, aucun changement dans leur vie. Moi, je m'adresse à l'esprit. Le discours, ce n'est pas bon, mais c'est l'esprit qui m'intéresse. C'est pour cela tous les messages que je fais passer, toutes les paroles que je prononce, l'objectif, c'est d'atteindre votre esprit, c'est d'atteindre l'esprit de quelqu'un. Et l'esprit, c'est quoi? C'est votre divinité qui sommeille, qui dort. Il faut réveiller cet esprit. Et le réveil, c'est une prise de conscience, c'est la sensibilisation. C'est ce que je fais, je sensibilise, je motive, mais je n'insulte pas. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. Souvenez-vous, si vous êtes nouveau, ben apprenez-le. Chaque fois, j'ai toujours dit, je ne vous oblige pas de croire à ce que j'ai dit. Si vous trouvez que ce que j'ai dit, c'est faux, ne venez pas m'insulter. Allez-y faire un peu vos recherches. Je l'ai toujours dit. Parce que mes connaissances à moi, je ne les invente pas. Je parle sous inspiration. Donc, ne tentez pas de convaincre quelqu'un par le verbe. Tentez de le convaincre par l'application et la mise en application des principes immuables de Theta Moaka, de l'être suprême, de l'énergie fondamentale, de l'esprit original. Et cet esprit original qui est devenu un avec vous. Dès lors que vous prenez conscience de cela, il y a une connexion inconsciente et invisible qui se crée, un passage se crée. Rassurez-vous, vous ne regretterez point. Vous n'avez pas besoin d'un gris-gris. Le gris-gris fait partie des éléments qu'on appelle les béquilles. La médaille, la bague, le talisman, la religion, les initiations, tout cela, ce ne sont que des béquilles qui permettent l'homme de se réveiller et de retrouver son authenticité afin d'aller vers l'immortalité qu'il a perdue. Et après de cela, 95 000 ans ou 100 000 ans, ça dépend des auteurs qui ont étudié cela dans la théosophie. La même question revient, combien de fois pouvez-vous réincarner autant de fois? Ça, vous pouvez vous réincarner même 1000 fois, tant que vous ne changez pas, vous allez toujours réincarner. La réincarnation s'arrête dès lors que vous avez compris tout, dès lors que vous deveniez un avec le tout. C'est là où la réincarnation s'arrête, c'est-à-dire vous atteignez le niveau qu'on appelle le niveau de l'immortalité. Vous êtes devenu un grand maître au-delà de tout, c'est tout. Donc moi je peux vous dire, ça peut durer même 1000 incarnations. Tant que vous continuez à être un canard boiteux, pendant que vous vivez là, vous continuez à sauter les pauvres femmes, vous continuez à solliciter les pauvres maris, ainsi de suite, faire le désordre, boire le vin, ceci, cela, vous n'observez aucune assise dans votre vie, vous ne mettez aucune discipline, aucune règle morale de votre standard de moralité dans vos vies, et vous êtes là, si vous êtes homme politique, vous piétinez, vous tuez, vous bébé, machin, rien, vous n'assurez aucune sécurité pour les gens. Vous allez faire quoi? Votre état manque. Par pouvoir délégatoire, va toujours envoyer ces médecins, dire, toi là, t'es allé, va te réincarner encore. Va continuer à te réincarner parce que tu n'es rien. Vous ne pouvez pas oser aller à l'université avec un niveau CMD. Ça a commencé comment? Même si ici aux États-Unis, on a vu des enfants de 13 ans décrocher leur bac. Mais ça, sont des génies. Mais ils ont tout passé l'examen. Vous comprenez? Il faut passer votre examen. Bien. Maman Henriette, tu as tout compris que Dieu c'est nous. Nous sommes créés à son image, à l'image de Dieu nous avons été créés, nous sommes sa ressemblance et que cette ressemblance sommeille à nous, c'est notre divinité, c'est notre âme. Quels que soient les débats qui vont être autour, je vous dis, ça tourne autour de ça. Vous êtes Dieu incarné. Mais pour en arriver là, il faut travailler. Soyez tous bénis, que Theta Moaka, Livanga Vanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Je vais pouvoir me rendre au boulot si vous avez des questions. Ne posez pas ça ici, là, s'il vous plaît. Les vidéos, là, ce n'est pas là pour poser des questions. Une fois que vous avez observé l'enseignement, allez-y dans les forums. Pour entrer dans les forums, cliquez à droite de votre téléphone Android. Je ne sais pas, est-ce que iPhone est Android? Je crois, ou quoi? Si vous avez les histoires de téléphones comme nous autres, là, moi, j'ai le téléphone Android, trois catégories, LG, Samsung et l'autre, là. Celui qu'Obama a utilisé, là, c'est le même mot. Je crois qu'il est quelque part, là. Voilà. Donc, tout ce qui est Android, vous appuyez à droite, ça vous amène. Vous ne pouvez pas le faire avec l'ordinateur, ça ne marchera pas. Et vous rentrez dans le groupe Forum Telegram. C'est là-bas. Une fois que vous rentrez, posez vos questions. Vous serez le bienvenu. Rassurez-vous, là-bas, il y a plus de 6000 discours. J'interviens, je réponds aux questions dans n'importe quel domaine de la vie. Jusqu'ici, je dis, pour conclure, je transmets les connaissances qui sont des connaissances expérimentales. J'ai expérimenté moi-même et d'autres, je suis moi-même surpris. Ce sont les maîtres qui me soufflent. Ils me disent, allez, parle. C'est ça l'exception. C'est tout à fait normal. J'en ai des milliers d'entre eux autour de moi, y compris les miens du Gabon. Donc, ils sont là, ils me parlent, on ne les voit pas. Donc, les histoires des faux follets, là, ça, c'est des conneries. Ce n'est pas les gens qui sortent en vampire. On ne peut pas voir l'esprit. Quand vous sortez en vampire, c'est votre esprit qui sort. Sauf s'il y a eu un accident qu'on appelle téléportation échouée. Vous avez échoué votre téléportation, bon, ça arrive, hein, on peut vous ramasser quelque part. Mais en dehors de ça, l'histoire des faux follets, à partir d'aujourd'hui, enlevez ça de vos têtes. Le développement de soi passe par la véritable connaissance transcendantale qui change vos vies, par un mode de vie tout à fait calqué sur les principes qu'on appelle les ascèses initiatiques, qui sont des interdits, pourtant peut-être compliqués, mais mettez-y des efforts, vous y arriverez, car il est écrit ailleurs ceci. Si vous voulez avoir le bonheur, si vous voulez avoir la véritable connaissance, il faut apprendre à vous connaître d'abord qui vous êtes, et vous verrez. Quand vous allez vous connaître, c'est-à-dire connaître vos défauts, qui vous êtes, est-ce que vous êtes destiné à réussir dans la vie, le nom que vous portez là, est-ce que c'est un nom qui vous porte malheur? C'est pour cela que je fais ce qu'on appelle l'étude complète d'individu. Vous me donnez votre nom de naissance, votre prénom, votre date de naissance. Je vais voyager dans mes arcanes pour vous dire qui vous êtes. Ça va me donner beaucoup de révélations et ça vous permettra, à partir de là, de vous centrer sur votre recherche spirituelle pour confirmer certaines choses qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées dans votre vie. Je vous informe que c'est $160 le coût de cela. Maintenant, tout ce que je dis, j'ai fait d'abord mes recherches, rassurez-vous. Bien que je ne me prépare pas pour certaines questions, par exemple sur les plantes, je connais. Il y a des milliers de plantes que je connais. On n'est pas encore arrivé sur l'iboga lui-même. L'iboga peut être mélangé avec d'autres plantes. Il y a mille et une recettes. Là, on n'est pas encore là. J'ai dit, on arrivera là lorsque, après 6 mois, nous sommes déjà au 3e mois, je vous accorde encore 3 mois. Étudier. D'accord? Donc, c'est par la connaissance que vous vous transformez. C'est par la connaissance que vous allez éviter la réincarnation éternelle. Vous n'avez pas besoin de vous réincarner chaque fois, vous réincarner, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas venu ici là pour vivre éternellement un bébé. Vous doublez, on CMD, vous redoublez, triplez, quadruplez. Mais le type se décourage, dit, mais mon Dieu, c'est comment, c'est moi qui suis bête ou quoi? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous ne mettez pas les efforts, vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas avancer. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas croire. Je vous donne ce libre arbitre de choisir ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Maintenant, si vous pensez que ce que je vous dis là, c'est trop fort, vous n'êtes pas obligé de me lancer les pierres, comme je l'ai toujours répété. Faites vos recherches. Ou auquel cas, vous dites, monsieur Onoubia, ça là, ça me dépasse. Vous faites alors ce qu'on appelle le syncrétisme. Je suis suivi par des musulmans, je suis suivi par des bouddhistes, par des chrétiens de tout genre. Mais ils font le syncrétisme. Ah, monsieur Onoubia, ce que vous avez dit là, ah, c'est bon, moi je vais appliquer. Mais ça là, moi je ne veux pas dire avec les démons. Un pasteur qui a peur des démons, voyez-vous? Et le pasteur qui croit que le démon existe. Mais ça, c'est un bas niveau. Ça, c'est la maternelle. Moi, le démon n'existe plus. Dieu n'existe plus. Satan n'existe plus. Et quand je dis cela, est-ce que vous avez compris? Faites à moi que vous bénisse. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci.